Roi, ma victoire, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois, ma victoire, ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Amen, les frères. Deux et trois sont vraiment associés. Là, le Seigneur nous, ce qu'il nous fait comprendre, que c'est du monde, la parole attend le vainqueur. Amen. Bien-aimés, nous sommes censés vaincre. Nous sommes censés aller jusqu'au bout. Amen. Cette marche que nous avons entreprise, qui est une marche, non selon la chair, mais par l'esprit. Nous avons des challenges jour et nuit. Et le Seigneur nous aide à vaincre. Alléluia. Amen. Et il dit, frère, il dit qu'on se lève, a dit le Seigneur, d'obéir, soyons heureux. Donc l'obéissance au Seigneur, bien-aimés, doit être pour nous, pas comme un fardeau, mais nous devons obéir au Seigneur. Étant heureux dans la joie. Amen. Amen. Il dit, point de tiers, du peureux, le fidèle nous appelle à régner aussi. Point de tiers. Donc, frères, soyons bouillants. Amen. Amen. Soyons fervents d'esprit, comme a dit le Seigneur. Et le cadre nous dit que le point nous dit, d'un pas fait jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, il préserve mon pied des blessés. Que ce monde, et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois la paix. Amen. Frère, pour que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, il faudrait que nous soyons pleinement dans la parole. Amen. Pleinement dans la parole et dans la volonté du Seigneur. Frère, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? En fait, le Seigneur nous a dit de prier et de prier. Amen. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation doit venir. Et si nous ne prions pas et ne prions pas, sans les ingrats, nous serons les premiers à y tomber. Donc, bien aimé, selon ce que le Seigneur nous a fait dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous examine l'état de son cœur devant le Seigneur. Amen. Amen. Que chacun de nous examine l'état de son cœur devant le Seigneur. Nous avons certainement été pris par les occupations de la journée. Et quelque part, nous l'avons certainement offensé. Et j'aimerais que d'un cœur sincère, d'un cœur juste et nous puissions élever la voix à cause de nous, dire Seigneur, merci déjà de nous avoir gardés, protégés, malgré tout ce qui a été sur notre chemin, comme obstacle, nous poussant à la tentation, tu nous as gardés, tu nous as préservés, et nous voici devant toi, nous élevons la voix et nous te présentons nos cœurs. Frère, prie dans ton cœur, prie. Selon que le Saint-Esprit te conduit, et fais-le, si tu es sincère, si tu es juste avec le Seigneur, il te rendra selon ta justice. Amen. Père de grâce, éternel notre Dieu, toi le rocher protecteur, toi le Dieu tout-puissant, toi par qui et pour qui subsiste toute chose, Seigneur, nous voici prosternés devant toi, ô Dieu. Comme tu nous l'as demandé, Seigneur, de nous approcher devant ton trône de grâce, ô Seigneur, avec assurance, afin d'obtenir l'abondance miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Seigneur, toi qui connais l'état de nos cœurs, toi, ô Dieu, qui sondes les cœurs et les reins, et qui connais les pensées les plus cachées de nos cœurs, Seigneur, nous venons de les exposer, ô Dieu. Toi qui es souverain, toi qui es tout puissant, Seigneur. Toi qui as vu, ô Seigneur, toutes les occupations que nous avons eues en ce jour, et dans lesquelles, Seigneur, nous n'avons pas été intègres et justes devant toi, ô Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que, dans nos moments de faiblesse, tu nous as secourus, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Mais Père, tu nous interpelles, ô Dieu, à mener une vie digne de toi, une vie, ô Seigneur, exemple de tout suivi, de tout. De toutes sortes de, ô Seigneur, de toutes sortes d'impuretés et d'impudicités, Seigneur. Mais en ce moment même, nous sommes prosternés devant toi, chacun, ô Seigneur, pour sa part, nous élevons la voix et nous te supplions, Père, de venir, ô Dieu, Seigneur, œuvrer dans nos cœurs, Père, en ce moment, afin d'offrir, ô Seigneur, tout ce qui a été introduit pendant que nous étions en train de marcher en journée, pendant que nous étions en train de faire, ô Seigneur, débarquer à nos occupations, Père, nous te supplions, ô Dieu, de purifier, Seigneur, nos cœurs, de tout suivre, ô Dieu. Père, nous te supplions, ô Seigneur de gloire, de nous affranchir en ce moment, Père, afin que nous soyons réellement libres, ô Dieu, pour pouvoir t'offrir des victimes spirituelles agréables à toi, Seigneur. Père, nous te supplions, ô Dieu, de nous accorder la grâce, Père, d'être affranchi dans tout notre être, Père. C'est que tout ce qui, ô Seigneur, nous empêche de pouvoir te rendre gloire en toutes circonstances, tout ce qui nous empêche de pouvoir accomplir et marcher dans ta volonté en tout temps, ô Seigneur, nous soit côté, Père, afin que nous puissions vivre des jours heureux dans ta présence, ô Seigneur, faisant toujours ce qui t'est agréable. Père, nous te supplions, ô Dieu, de laver, de purifier nos cœurs, Seigneur, de purifier nos cœurs, ô Dieu. Père, toi qui sondes les pensées les plus cachées de nos cœurs, toi qui connais, ô Seigneur, jusqu'où, Seigneur, nous sommes prêts, ô Seigneur, à renoncer, à résister au péché. Seigneur, nous prions afin que, ô Dieu, tu augmentes de notre vigueur, que tu augmentes, ô Seigneur, notre force, afin que nous puissions tenir, ô Seigneur, contre les ruses, afin que nous puissions tenir ferme contre toute forme de tentation, afin que nous puissions tenir ferme, ô Dieu, contre toute forme de péché, Seigneur. Père, te supplions, ô Dieu, Seigneur, accorde cette grâce à mon frère et à ma soeur, Père. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour toute la gloire et pour l'honneur, pour toute la magnificence, Père, qui revienne dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Frère, la Bible nous dit de veiller dans notre et d'être sauve parce que notre adversaire est dans le rôle comme un homme gitan cherchant qui dévorait. Et il nous dit de lui résister avec une foi ferme. Mais je ne sais pas jusqu'à combien de fois tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Mais, bien aimé, pour pouvoir résister au diable avec une foi ferme, il nous faut la révélation de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la révélation de sa parole en tout temps. Amen. Afin que nous puissions résister au diable et résister à toutes ces tentations. Amen. Nous sommes en prière. Père, tu as dit que la révélation de ta parole est claire et apporte les intelligences aux saints. Seigneur, nous, dans nos moments, ô Dieu, les difficultés, parfois, nous attachons, ô Seigneur, à nos propres pensées et nous nous attachons le plus souvent, Père. Ô Dieu, à ce qui nous inspire notre pensée. Seigneur, nous jouions le plus souvent qu'il faut nous faire confiance, qu'il faut nous appuyer sur ta parole, ô Seigneur. Lorsque nous faisons face aux tentations, lorsque nous faisons face, ô Seigneur, à cette forme de ruse et de l'ennemi, Seigneur, en ce moment même, nous sommes là devant toi, nous prions, Père, afin que tu puisses toujours nous accorder la révélation de ta parole, en tout temps et en toutes circonstances, afin que nous puissions, ô Dieu, toujours résister au malheur, afin que nous puissions résister avec une voix ferme. Seigneur, nous prions pour Dieu, afin que tes femmes, tu puisses m'enlever au sein de nos cœurs, que ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher en direction de ta parole, Seigneur. Père, nous te supplions de nous, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Seigneur, nous prions pour Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir saisir, de pouvoir saisir la révélation de ta parole pour Dieu, afin que tu nous donnes de pouvoir comprendre, Père, afin de marcher, ô Dieu, d'une manière de l'histoire, Seigneur, nous te supplions pour Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des regards dans les mouvements de toi. Oh Seigneur, si nous marchons selon la vanité de nos pensées, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des retards nés uniquement de toi dans les tentations, les difficultés. Si nous marchons selon, oh Seigneur, la vanité que nous posons nos pensées, Père, nous faisons appel à toi, oh Dieu de grâce, afin que Père, tu puisses, oh Seigneur, poser tout obstacle, Seigneur, dans nos cœurs, dans notre vie, qui nous empêche de saisir la révélation de ta parole, qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans cette révélation, afin que nous puissions être en mesure, ô Dieu, de marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au pouvoir de nos yeux, te donne-nous de saisir le sens, ô Dieu, de ta révélation, donne-nous de comprendre tes. De ta révélation pour Dieu. Père, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, sujet de prière. Amen. Amen. J'aimerais que nous prions pour le bon déroulement de l'Esprit-Saint qui est acheté. Que le Seigneur veille. Pour les frères et pour ceux qui vont se rendre. Les examens, les ramènes, selon ce que c'est Jésus-Christ, nous sommes là. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons la voix à nos yeux. Toi, le Dieu fidèle, le juste, bon et tout. Sois beau Seigneur, nous te rendons à toi, à ton Seigneur. Que tout cela, Père, pense vous placer, ô Dieu. Et donc, que tout se déroule, ô Seigneur, selon que tu as prévu d'avance, Père. Seigneur, merci de toi, mon frère, de l'avance, ô Dieu. Merci de nous avancer, Père. Ce programme, ô Seigneur, afin que tout soit fait selon ta volonté, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es Dieu et que tu nous écoutes, ô Seigneur, lorsque nous te demandons, Père, être joli. C'est le Dieu en haut de ta gloire. Merci de nous exaucer, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Père, prie le Seigneur, que lui-même donne la preuve de pouvoir de nous comprendre. Amen. Que nous changeons, Père, nos cœurs à nous lamenter seulement, car nous devons se lamenter de nos péchés, car ils sont grands devant nous. Nous devons le prier. Que Dieu nous donne la force, mais de pouvoir veiller sur nous-mêmes, et de veiller toujours à mettre en pratique notre vie de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, ô Dieu. Père, tu as dit, Seigneur, que ta parole nous donne le fait, ô Seigneur, que nous ne voyons pas de pouvoir. Père, nous prions, ô Dieu, et nous te supplions, Père, pour nous te conduisons, ô Dieu, afin que, Père, tu puisses ôter cette paix de pierre, cette paix de fière, ô Dieu, afin de nous donner le paix de chair, qui puisse obéir, qui puisse observer, qui puisse mettre en pratique au Seigneur ta parole. Mais nous ne voulons pas être des sujets mieux pour Dieu. Mais nous ne voulons pas être ceux-là qui écoutent et qui s'en vont et nous vivent aussitôt. Ô Seigneur, si nous sommes éduqués, Père, nous voulons être, ô Dieu, cette bonne terre sur laquelle la semence est tombée et qui a produit du fruit en abondance. Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, Père, doter de nos vies, Seigneur, qui font de toutes actions et tout ce qui nous empêche, ô Dieu, de marcher dans la connaissance de la volonté, tout ce qui nous empêche, ô Dieu, et tout ce qui a tendance à nous éloigner de la volonté, Père. Pour cela, Seigneur, nous te supplions, ô Dieu, c'est un souci. Ô Dieu, accorde-nous la capacité, Père, la capacité, ô Dieu, d'accepter la volonté, Seigneur. Mais la capacité, ô Dieu, d'accepter, d'aimer ta volonté, parce que la volonté, nous te supplions, Père, ô Dieu. Seigneur, enlève dans nos cœurs, ô Seigneur, nous formes, Père, nous formes, ô Dieu. Seigneur, te supplions, ô Dieu, accorde-nous, ô Dieu, accorde-nous, ô Seigneur, d'avoir des graines qui obéissent, des graines soumises à ta volonté, des graines soumises à ta volonté, des graines qui obéissent, ô Dieu, à ta volonté, sans raisonner, des graines qui obéissent, ô Dieu, à ta volonté, Seigneur, Père, nous te supplions. Que nous sommes si nous sommes toujours disposés à nous glorifier dans cette souffrance-là. Afin que la patience en nous puisse, la patience en nous puisse demeurer et croître et porter des choses comme celle des gens. Mais nous devons l'avoir expliqué. Que lui-même nous donne cette force de pouvoir avoir sa pensée et de comprendre ses desseins pour mieux agir au moment opportun en respectant ce commandement. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te supplions, Accordez-nous la grâce de nous nourrir à nos propres intérêts afin que nous puissions pleinement de tout, vive pleinement, mon Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce, mon Dieu, de nourrir à notre propre vérité, afin que, Seigneur, ta vie puisse se manifester pleinement à nous, mon Dieu. Seigneur, nous te supplions, ô Père, accorde-nous cette grâce, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, de demandons au Seigneur de nous donner ce cœur d'amour, afin que son amour qu'il a pour nous, nous puissions le respecter sur nos semblables, qu'il soit païen ou chrétien, sur tout homme qui a l'image de notre Dieu, que nous servons et que nous adorons dans nos cœurs, que nous puissions vraiment respecter cet amour à notre semblable. Car il dit lui-même, lui-même, vous allez me commander, vous allez vous supplier, comme je veux dire, nous prions, Père, pour son accomplissement dans nous. Ô Seigneur, nous continuons à prier Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et quoi que je veux, c'est un ouf de soulagement pour des frères là, qui ne sont pas habitués à s'agenouiller. C'est ça non? C'est ouf. Les gens, ils prient, ils disent trop, hein, clairement. Clairement, quel surprise, que ça finisse rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Le fait que aucun téléphone n'est allumé pour cette erreur qu'on observe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des questions, ce n'est pas des questions. On ouvre la Bible, on nous met. Que le Seigneur dirige, là, il va nous diriger encore ce soir. J'ai une préoccupation, frère. Oui. En navigant dans la parole, j'ai rencontré ceci. La parole déclare, nous ne devons pas découvrir la nudité de nos parents. Oui. Bon, je prends maintenant le cas où nos parents sont malades. Oui, ils prennent de l'âge. Oui. Nous prenons même pas le cas de maladie. Oui. Ils prennent de l'âge. Oui. Au point où ils ne peuvent plus s'occuper d'eux. Oui. C'est à nous maintenant de prendre la relève. Mmh. Que ferons-nous en ce moment? On va rentrer à Bali, d'accord? Mmh. Autre question? Tu as une question ici? Oui. Étant donné qu'il n'y a pas de vrai faux vérité, mais donc il dit que la langue qui a suivi la Bible de Dieu, un vérité est rendu. Oui. C'est comme s'il dit que le fait qu'il soit compromis comme ça, il n'est pas discrédité devant le Seigneur. Parce que c'est un prophète de l'Éternel. Oui. Mais tu sais que c'est un prophète de Dieu, non? Oui. Oui, quel est le problème? Dès que tu es suivi un mauvais chemin, oui. Tu t'en compromis. Oui. Tu n'en développes pas moins. Il est prophète de Dieu. Oui. Oui. Quel est le problème? Le problème, c'est que. Comment un prophète de Dieu? Comment un prophète de Dieu? C'est un prophète de Dieu qui se couronne la sorte. Ok. Autre question? Le frère. Oui. Dans Colossiens chapitre 1, là, on dit. Bénissez le Seigneur de ce qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté en réunion française. Je veux savoir, lorsque, par exemple, on délivre un frère ou une sœur, je veux savoir si ça a eu cette délivrance. Non, ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le livre, ce même livre des Colossiens, là, la Bible explique qu'il nous a délivré la puissance des ténèbres pour le transporter dans le royaume de son fils. N'est-ce pas? C'est le royaume de la lumière. Ça veut dire qu'il nous a fait passer. Sous la puissance, on n'est plus dominé par la puissance satanique. Lorsqu'on expulse le domaine d'un corps humain, ou bien une guérison qui obtient, ça ne veut pas, c'est pas ce qu'on a dit. On dit littéralement passer de la mort à la vie. C'est ça quand il est question dans la commission. D'accord? Ça veut dire que tu n'es plus sous la domination satanique. Tu es la propriété exclusive du Seigneur. Ça va? Il est d'abord frère. Avant ça, s'il est un frère, comme tu le dis ici, comme il est dans la Bible, il est d'abord comme Colossiens le dit. Il n'est pas sous la puissance satanique, mais il a des portes qui permettent aux démons de puisse faire des incursions dans sa vie. Okay. Oui, c'est pas obligé. Vous avez décidé avec les questions. Hein? Oui. Je pense que le passant a fait. Là où Jésus, il avait la fille de Philippe. Oui. Et puis, il a ajouté tant que. On peut dire que le Seigneur t'a su me laver les pieds. Là, je dis, maintenant, vous ne comprenez pas, vous comprenez. Jean chapitre 13. Voilà. Oui. Je voulais savoir, quand il dit que celui qui est déjà lavé les pieds. Il n'y a plus là que vous se laver les pieds. Lavage là, comment? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'esprit. Oui. Et là, maintenant, il dit qu'il a seulement besoin de se laver les pieds. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Rapidement, toi tu lis. Lis rapidement, rapidement, on avance. En même temps, quelqu'un pose sa question. Oui, une autre question, oui. Quand l'apôtre Paul dit à Jésus des actes, qu'il a traversé toutes sources et détruites, c'est la partie que je lance dans la Bible. On l'a tapé un jeu, il a cru qu'il était mort. Continuez ici. Ici. Il y a parfois, quand on lit dans Jean là, oui. Bon, on voit le plus souvent quand le Seigneur utilise le terme porte. Bon, quelque part, il dit qu'il est la porte de Jésus. Jean chapitre 10, oui. Oui, mais quelque part encore, il dit que dans ce Jean chapitre 10 là, bon, en fait, il utilise porte, mais quand on dit, on voit que porte là-bas n'a pas les mêmes significations. C'est-à-dire quoi? Bon, que la porte n'est pas la porte. En fait, c'est parfois dans lui, il utilise, c'est comme si. Il faisait allusion à autre chose. Mais, donc tu penses que Jésus est la porte. Oui. La porte. Tu penses que lui, il est la porte littéralement. Si. Il a désigné justement autre chose. D'accord. Il est l'entrée principale du ciel. Si tu vas n'importe où au ciel, tu vas voir Jésus. C'est ça, vous allez voir les témoignages de quelqu'un dire que j'ai voyagé avec le Seigneur Jésus qui était là. Après, on va voir que quand le Seigneur Jésus est comme ça, il n'y a personne au ciel. Et après, c'est tourné, il dit que devant le trône, c'était lui qui était assis. Comment il est dans ce même genre-là, il est en même temps la porte, il est le berger, il est le chemin. Comment quelqu'un peut être là? On dit que le berger lui ouvre la porte, il marche au devant de lui. Pendant qu'il marche, sur le chemin qu'il a démarché, c'est encore lui. Et c'est lui qui a marché devant, et c'est par lui qu'on est passé. N'est-ce pas, frère? Ça, c'est Dieu là maintenant. Oui, tu veux dire, Jean chapitre 15, verset 3, lit. Déjà, vous êtes pu à cause de la parole que je vous ai amenée. Donc, voilà comment ils ont été purifiés. Donc, dans ce Jean chapitre 13, il dit que vous êtes pu, mais non pas tous. À cause du Judas. À cause du Judas. C'est celui dont il parlait, non? Voilà. Donc, il est en train d'accomplir seulement un acte comme ça pour nettoyer le peuple, pour dire, ok, comme il faut vous il restait cet acte-ci. Parce que quand tu te laves normalement en soirée, tu manges la poussière, tu n'as plus besoin d'aller te laver normalement. Tu laves seulement les pieds pour aller te coucher parce que tu es d'abord lavé. Oui. Tu as des questions encore? Oui, frère, dans Jean chapitre 2, oui. Quand il est à la noce là, oui. On lui demande de changer. Sa mère demande, Marie demande de changer le nom. Marie ne lui a pas demandé, il faut les laisser les chats. Je crois que les catholiques avaient les sous là, vous ont déjà brouillé. D'abord, un. Marie n'a jamais demandé à Jésus de transformer l'eau en vin. Marie savait que, étant le Tout-Puissant, tout était possible. Il peut faire l'impossible possible. Parce qu'il a dit seulement que faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il suffit qu'il dise quelque chose et ça change. D'accord? C'est son premier miracle là-bas. La question dit, ça c'est à Cana, c'est vite à Cana que le premier miracle de Jésus a opéré. Dans ce cas, comment Marie savait qu'il pouvait dire que ça change, s'il n'a pas fait des choses tout autour, il avait dit des choses, ça a changé. C'est-à-dire, ça c'est l'acte public. Parce que Marie connaissait qui il était. D'accord? Donc je commence encore. Marie n'a pas dit que cette échange doit en venir ici. C'est que tu vas retrouver les catholiques là. Oui, par exemple, pour une autre question. Est au niveau où il dit à Marie que. Femme. Qui a-t-il entre toi et moi? Mon œil n'est pas encore arrivé. Oui. Bon, c'était parce que moi, c'est que moi, c'est que mon œil n'est pas encore arrivé. Mais après, il fait le miracle. Oui. Pourtant, il a dit non, que mon œil n'est pas encore arrivé. Comme si, bon, il fallait que. Quelque chose se passe. Le moment arrive. Oui. Dieu fonctionne. Dans le temps, il a un temps pour toute chose. D'accord? Maintenant, il est Dieu. Jean chapitre, Matthieu chapitre 15. Matthieu le chapitre 15. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous avez des questions. J'aime quand vous avez des questions, ça montre pour lire la Bible. Et puis, c'est une chose, il y a des conflits dans votre cerveau maintenant. Lisez dans Matthieu chapitre 15, c'est ce qu'il dit, non? Matthieu chapitre 15. Déjà, à partir du verset 21, regardez. Je sors de reprendre ceci pour essayer de répondre ce que tu as dit là. D'accord, dans ce Jean chapitre 2. Jésus étant parti de là, verset 21. Vous y êtes? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Vous avez vu ça? Qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instant, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous avez vu ça, frère? Et c'est lui-même, je vais parler de ces personnes-ci. 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous y êtes? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secoue-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Vous voyez ce que Dieu dit? Vous pensez que vous allez faire dans la chambre, dit que c'est donc la foi, pompe la foi. La foi n'est pas comme le, vous savez, le truc de pression comme pompe, ta foi au moins. Ta foi au moins. Remarquez ce que la femme a fait. Et Jésus dit que ta foi est grande. À ses disciples, il dit que si vous avez la foi comme une graine de céleri. C'est-à-dire que cette femme, si normalement, avait la témoignage de Jésus, avait plus de foi que ses disciples. Vous avez ça, frère? Qu'est-ce que la femme a dit de spécial? Il arrive à expliquer la question pour que tu comprennes ce qu'on a dit. Qu'est-ce que cette femme a fait de spécial pour que Jésus dise: ta foi est grande? Souvenez-vous qu'il est Dieu, donc celui qui apprécie, celui qui a le thermomètre de mesure de foi. Ses disciples à lui, c'est ses disciples qui marchent avec lui chaque jour. Il dit que si votre foi était comme un grain de céleri, vous direz à cette montagne. Cette femme s'est dit: ta foi est souvenez-vous, cette femme, ce n'est pas juive. On a bien dit, dans le territoire de Tyr et de Sidon, et c'est une femme cananéenne. Qu'est-ce que cette femme a fait pour qu'elle dise ta foi est grande? Puis Jésus dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Souvenez-vous, sa fille était tourmentée par le démon. J'arrive là maintenant. Oui. Je dis que parce que par sa parole, oui. elle a démontré que quand on près de lui, n'importe comment, oui. Sa lumière qui dégage tout, on va bien dire, on ne peut pas sortir vain de sa présence. Qui lui a appris ça? Pourtant, il n'est pas juif. Pourtant, les juifs qui étaient ses propres enfants, elle est venue chez les siens, les soins ne l'ont pas reçu. On ne l'a même pas reconnu, n'est-ce pas? Mm. Cet étranger, c'est qui lui a dit que lui-ci, tu vas vers lui, tu penses qu'il était sa présence sans avoir quelque chose. Mm. Pourtant, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, quand on entend vient la parole de Dieu. Entre elle et les juifs, qui entendait la parole? Mm. Elle entendait quoi? Mm. Comment elle peut avoir une grande foi? Encore de la renommée de Jésus. Quand elle a renommé Jésus, elle était dans ce cas, pourquoi c'est difficile qu'il était là qui regardait jour et jour? Tu as prévu et que Jésus en secret leur disait les choses clairement. Parce qu'il dit que pour ceux de Dieu, il parle en parabole. C'est ça, non? Et Jésus et cette femme ont parlé ici en parabole. Jésus a parlé en parabole. Elle a répondu en parabole. Jésus a dit ta foi est grande. Qui lui a appris les paraboles? Gardez ceci, il veut expliquer quelque chose ici. Parce que la question qu'il pose, c'est Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon œil n'est pas encore venu. Mais malgré cela, il pose la question, mais pourquoi malgré cela, il fait des miracles? Souvenez-vous qu'il est Dieu. Maintenant, ici, voici une femme qui est étrangère à l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle est étrangère. Maintenant, Jésus lui dit clairement le pourquoi de sa mission. Il dit, je n'ai été envoyé qu'au premier perdu de la maison d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas, il n'est pas possible, je ne suis pas venu pour vous. C'est pour ça que les musulmans prennent ça comme ça et disent que Mofmide, vous dites que vous suivez jusque-là. Jésus a dit clairement, ici qu'il n'est pas venu pour les autres personnes. C'est ça que les musulmans s'arrêtent. Ils ne comprennent pas. Dans cette somme-là, plusieurs fois dans la somme, il va dire, je te louerai parmi les nations. Vous voyez, tu appelleras d'une nation qui n'était pas nommée de toi. C'est prévu dans les prophéties comme ça, que le Seigneur devait être, il sera l'arbitre des grands nombres des peuples, la lumière des nations. Donc, c'est prévu dans les écritures qu'il soit la lumière des nations. La question maintenant, c'est pourquoi il a été envoyé donc au milieu d'Israël? Il fallait qu'il établisse d'abord, qu'il rejette d'abord le Messie pour qu'il va vers les nations. C'est ça, nos frères. Amen. Maintenant, dans la mission où il est censé venir à Israël pour que Israël le rejette, comment se fait-il qu'il soit en train de quelqu'un du monde vient là-bas? Parce qu'elle doit devoir attendre qu'on le rejette. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner au chien. Jésus lui dit. Il dit, mais en attendant. Mais en attendant. Vous fermez le téléphone. C'est le bruit vient de là. Mais la femme nous dit, il n'est pas bon. Les enfants, les chiens, petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table des enfants. Donc si Israël refuse ces grâces-là, moi je reconnais que tu peux même donner main maintenant. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir la même chose. Dieu a prévu, il sera avec Israël. Mais les séquelles, et pas de ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Chaque fois, il mangeait des bribes que la grâce arrive. Vous avez remarqué dans la loi. La femme, quand Josué a envoyé les espions à Jéricho, à l'espionner, une femme qui était prostituée hors de la maison d'Israël, arrive comme ça dans tout le pays et reçoit les espions. Après, il dit que souvenez-vous de moi et de ma famille. Il dit ok, souvenez-vous, la seule chose à faire, c'est mettre un tissu cramoisi, le symbole du sang de Jésus sur les maisons. Que toute personne qui sera sous ce sang-ci, comme vous avez fait alliance avec nous comme ça, toute personne qui sera sous ce sang-ci sera protégée. Quand ils ont cru, oh, Jésus a été écoulé, le mur n'a pas écoulé parce que Dieu lui-même était derrière. Voilà la grâce qu'il a accordée à une famille. Dieu n'a pas regardé que Rahab était une prostituée, n'est-ce pas, frère? Amen. Oh, vous parlez de miséricorde. Donc, en rentrant dans la vie, en déclarant les envies, le simple fait que Rahab a. Je vais vous parler d'une brèche. Je ne sais pas si j'ai parlé de la brèche dans les enseignements. La brèche. Lorsqu'elle a reçu ces espions-là, elle est devenue une héroïne de la foi. C'est ça, frère? Amen. On a mentionné parmi les Moïse, Noé, Abel, une prostituée. Une prostituée. Mais arrivée à l'enseignement, celle qui a pris autorité, Déborah, on ne l'a pas mis. Vous avez remarqué ça, frère? Mm-hmm. Que Dieu bénisse, vous avez vraiment remarqué. Et là, Rahab, la prostituée, est même la grand-mère de Jésus. Mm-hmm. Vous savez ça, frère? Mm-hmm. Vous savez? Mm-hmm. Il vient de Rahab, la prostituée, est la grand-mère de Jésus. Mm-hmm. Oh, maintenant, voilà une grâce qu'elle a eue comme ça sous la loi. J'ai présenté comme ça des images, des choses qui pourront arriver. Donc, voici Jésus, qui se trouve devant cette femme syro-phénicienne, et qui lui accorde la grâce, bien que ce n'est pas le moment. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, voici, il dit qu'il n'est pas bon de prendre du pain des enfants et de donner aux chiens. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas pour vous, pour le moment, c'est pour les Israéliens. Il faut d'abord qu'ils prennent mange d'abord avant qu'on vous mange. Il dit, mais n'est-ce pas qu'on est à table, on mange, ce qui tombe là, c'est pour nous. Donc, laisse que ceci tombe. Alléluia. Ta foi est grande et sa fille a été guérie comme ça. Et souvenez-vous de cette expression de notre Seigneur Jésus-Christ, ta foi est grande. Pendant le ministère de Jésus, les gens qui avaient la plus grande foi étaient les païens. Observez. Voilà, cette soldat romain qui est venu dire que non, ne viens même pas, je ne suis pas dit que tu viens chez moi, parce que normalement, votre tradition juive ne veut pas que les juifs viennent chez moi. Je ne suis pas digne que tu viens sous mon autorité. Dis seulement un mot, c'est tout le monde. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé de si grande foi. Donc en Israël, il a parcouru Israël, personne n'a essayé la foi. Comment ça se peut le trouver chez un pas, un païen? Comment? Donc, Jésus est Dieu. Il fait comme il veut dans ses manifestations. Et tout ceci montre clairement que, un, il a dit, mon œil n'est pas encore, mon temps n'est pas encore salué, ce n'est pas le moment où il va manifester ses miracles publiquement. D'accord? Mais pourtant, comme il le veut, il permet. Donc, même si Dieu ne veut pas faire quelque chose dans une dispensation, il peut quand même donner des bribes. Il peut donner des bribes afin qu'on sache qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, et qu'il fait comme il veut. D'accord? On prend le séminaire. On peut y arriver. S'il n'y a pas de questions, je commence à répondre aux questions que vous avez posées. Oui. La Bible déclare dans Genèse là-bas que Dieu a créé les luminaires pour déterminer les temps et les moments. Donc, mais quand je regarde bien, je vois qu'il a créé les luminaires le quatrième jour. Oui. Mais avant le quatrième jour, il comptait les jours. Il y a une fille. Mais celui-là, Dieu, il peut dire quand il était. Je ne compte pas le plus. Juste voilà ce qu'on a écrit là-bas. On a dit que c'est les luminaires qui est le soleil pour marquer. Le jour pour préserver le jour, la lune pour préserver à la nuit. Donc c'est le soleil et la lune qui délimitent le jour et la nuit. Il y a le calendrier lunaire, le calendrier solaire, n'est-ce pas? La question c'est avant le soleil, on comptait le jour. Il t'a donné le compter, il t'a dit ça le génère. C'est pas lui qui a dit à Moïse qu'il y a un jour, il y a un soleil, c'est le premier jour. On va lui demander que le soir était comment, le matin était comment, c'est votre problème. Mais il a dit c'était un soir, le matin. Parce que la question c'est, avant que les luminaires qui marquent le temps soient là, comment encore? Il n'y a pas de gens pour avoir de l'ambiguïté. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons ça, donc on ne peut pas avoir d'ambiguïté. Mais c'est lui qui a dit qu'il fut un soir, il est matin, c'est fait le premier. Autre question? Je voulais revenir encore sur ton plan là. Oui. C'est comme les animaux viennent s'appuyer, ils marchent en ce. Ils sont d'abord disqualifiés. Si tu appuies sur n'importe quelle écriture pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quelle dépendance, ils sont disqualifiés d'abord. Oui, je voulais dire ceci. Mais parle-moi en posant la question sur les chrétiens, qu'eux-mêmes utilisent ça, c'est ça qui est intéressant. Parce que si c'est un mondain, il ne commande pas la pensée des mondains. Si un mondain dit même que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il est disqualifié. La seule chose qui va ouvrir la Bible, c'est pour dire Seigneur, pardonne-moi. C'est ça, ça n'a pas son droit là-bas. Mais d'accord? Pour le chrétien, comme les chrétiens sont encore approchés. Oui. Je me pose cette question. Dieu lui-même, qui dénonce le vin, oui. Pourquoi il fait ça? Oui. Voilà. Et en faisant ce vin, il ne se sentait pas. Non, frère, c'était vrai. Parce qu'on dit que la personne qui a goûté, il était un habitué. Il a dit que merde! Il avait expliqué comment ça n'était pas souvent chez eux, non? Que les gens, normalement, quand ils ont bu, ils donnent d'abord, que quand les gens sont ivres, ils donnent dans le mauvais pour que les gens boivent ça. Mais tu as gardé le bon jusqu'à là. Donc, on dit qu'on peut être ivre. Oui, c'est ça que Jésus a donné. Quelle est la question? N'essayez pas de protéger Jésus en disant qu'il a donné le bon. S'il donnait ça à la fin, personne ne prendrait. Je pensais dire que mais lui qui connaît tout, celui qui est seulement le bien, oui. Et tu donnes le vin pour être un ténèbre. Je l'aime. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils font comme tu veux et protéger Dieu. Quand tu dis que c'est fort, dis que c'est fort que Dieu a fait ça. D'accord, frère? N'essayez pas de protéger, dis ce que la Bible dit. Quand il y a des gens qui vont aller continuer que non, ici il n'y a pas le vin, c'était pas. On dit clairement que c'était. Mais les gars ont bu, c'est fort là-bas. Mais la plus grande des choses dans cette chose, il a dit donner leur à boire. C'est d'ici qu'il était avec lui. C'est ça qu'il pouvait. C'est d'ici. N'est pas bu, c'était là-bas. Donnez-leur, pas vrai? Amen. Amenez-leur qu'ils boivent. Il était avec ses disciples de côté. Et il montait aussi avec ses disciples à la fête. Le vin étant fini, on venait voir. On est venu le voir. Donc les gens qui fêtaient sont allés compte que le vin n'était pas là. On est venu voir Jésus et ses disciples. Il a dit qu'il allait faire ça. Donc, donne-le aux ordinateurs de repas. Il a donné. Les gars ont vu. Si c'était le disciple à lui, était là. Il a dit la Bible sur autrement. Amen. Ok. Genèse. Chapitre 9 de Genèse. Quand on pose la question, à haute voix, Elisa, haute voix, parce que je ne peux pas voir, on ne peut pas laisser parole, c'est un peu comme ça. Je me sens déjà à l'intérieur. Verset 20, regardez. Non, je vais prendre d'abord le verset 18. Nous sommes dans Genèse, chapitre 9, je vais lire le verset 18 et suivant. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Avant d'avancer dans la lecture, je voudrais vous poser une question. À l'issue d'ici, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Le déluge. Dieu nettoyait la terre tout entière, oui ou non? Oui. À cause de quoi? Le déluge. Je continue donc, c'est bien ça, vous êtes trop agiré. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Donc c'est le grand-père de cette fille-là, comme je viens de voir. Jésus a dit qu'elle a une très grande foi. Ce sont là, les gens vont souvent dans la Bible pour regarder que la malédiction que sur les gens, ils ne voient pas ce genre de choses. C'est pour montrer effectivement qu'en Afrique, il y a des gens qui ont haute foi, plus qu'en Israël. La Bible déclare, verset 19, ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc tu montes, tu descends, tu es sur la terre, tu sors de soi de Cam, déjà fait, ou des sels. Tu ne veux pas, sors de la terre, on voit. Parce que Dieu a d'abord nettoyé tout le monde sur la terre. Puis les deux cloches ont engendré, n'est-ce pas? Amen. Écoutez dans mon verset 20. Noé commença à cultiver et planta de la vigne. On va dire tous ensemble, verset 21. 1, 2, 3. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. On s'arrête d'abord ici. Il dit à tous les deux volets, ton problème de vin et ton problème de nudité. D'accord, frère? Amen. Mm-hmm. On a détruit la terre. Pourquoi, frère? Quand quelqu'un est sorti de l'âge, la première chose à faire, c'est cultiver quoi, frère? Donc, la première chose, après, à l'issue du nettoyage de Dieu, des pécheurs sur la terre, a été de cultiver le vin. Et quand il pour montrer, effectivement, pour qu'il a mangé du fruit de sa récolte, il a bu, il a saoulé pour montrer, effectivement, ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Amen. Vous avez vu un endroit ici où Dieu l'a reproché? Non. Vous avez vu? Non. Maintenant, comme il était sourd, il était nu. Son fils l'a vu. On a maudit, non? Mm. On a maudit quelqu'un qui a fait se dénivrer de Deutéronome. Mm. On y va? Ne soyez pas frustrés, d'accord? On est obligé de lire la Bible comme il se doit. Amen. Chapitre 14 de Deutéronome. Verset 22 et suivant. Gardez bien ce passage dans votre tête, ça ne vous quitte plus jamais. Gardez Deutéronome, chapitre 14, verset 22 et suivant. Au moins, ça concerne les dîmes. D'accord? Amen. Donc, il y a un style de dîmes, on appelle dîmes alcooliques. Disons, dîme alco, oui. Voilà, même si vous vous amusez, ça se trouve dans la Bible. Tu ne verras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Enfin, Noé nous a montré l'exemple, non? Mm-hmm. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton moût et de ton huile. Et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Donc, comme ça, ça nous dit d'apprendre à le craindre. Maintenant, écoutez la seconde. Verset 24. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta Dieu. à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, verset 26, tu y es, vous y êtes. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Allons de 1. Ouais. 1. Non, recommençons encore. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. 1. 2. 3. 4. Quoi, frère? C'est quoi le liqueur fort? Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton et tu te réjouiras, toi et ta. Donc tu pars à Jérusalem, tu prends le whisky, tu achètes le fighter. Vous buvez ça devant Dieu. Après, tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Ça, c'est la dîme alcoolique, n'est-ce pas, frère? Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Donc n'essayez pas de protéger Dieu. N'essayez pas de le protéger, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, lisons maintenant Lévitique, chapitre 10. Lévitique, chapitre 10, vous y êtes. Lévitique, chapitre 10, mes chers frères et sœurs. Verset 8 et suivant. Il peut lire. L'Éternel parla à Aaron et dit, je vais vous garder bien et doucement. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente, de peur que vous n'ayez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Qu'est-ce que ce passage signifie? Jusqu'à ce que Dieu puisse tuer quelqu'un à cause du fait qu'il boive le vin ou le boisson enivrant en arrivant à la table de la poisson. Donc, il montre que le vin est comment? Mauvais. Hein? Pour qui? Attends. N'est-ce pas tout à l'heure, nous avons lu dans le Deutéronome chapitre 14 que quand ils boivent, je réjouis, ils boivent ça. Je recommence. C'est faire un essai de quelle force, c'est mauvais pour qui? Mais si c'est pour eux, ils boivent volontiers, puisque le même verset là veut signifier que quand ils ne sont pas dans la tentation, ils peuvent boire. Mm-hmm. Ils recommencent encore, gardez bien la question. C'est mauvais pour qui? Qui voit ça comme mauvais? Dieu. Il va encore relire ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est mauvais pour qui? Donc, les salvateurs qui ont interdit ça ici? Qui a en train d'interdire? Donc, pour lui, c'est comment? Comment on lit la Bible devant vous, vous titubez? N'est-ce pas lui qui a dit ça? Qui a ordonné dans Deutéronome 14, verset 22 là, et suivant? Ok. Dans ces cas, comment se fait-il qu'il interdit ça ici à une catégorie de personnes lorsqu'on vient à sa présence? Parce que ceux-là sont sanctifiés. Ceux-là sont sanctifiés. Qu'est-ce qu'il veut dire là par là? Parce que s'il interdit l'alcool pour eux dans une certaine façon d'agir, qu'est-ce que ça veut dire que l'alcool est comment devant lui? Okay. Continuons, regardez bien. Verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est un et ce qui est ce qui est impur de ce qui est. Qu'est-ce qu'il veut par là, dit Dieu? Que l'alcool est profane. Vous commencez à comprendre le plan de Dieu. C'est pour ça qu'après avoir discuté, comme les gens discutaient, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Après avoir dit les choses comme elles sont, il faut entrer dans la pensée de Dieu. Donc il dit le sacrificateur, lui, il doit prendre cela dans sa présence comme ça. Tu penses que tu vas mourir, clairement tu vas mourir. Donc il peut te tuer à cause du fait que tu aies la croix sur toi. C'est ça, frère? Amen. Non, ce n'est pas un péché. Boire un péché, il ne faut pas seulement enivrer. Il dit que tu ne dois pas boire. C'est pas ça, frère? Amen. Ça, c'est le sacrificateur. Mais aux autres, il en a donné, pas vrai? Amen. Maintenant, Je pose la question. L'eau sanctuaire ne devait pas boire à quel moment? Quand il entre dans la tente d'assignation, doit avoir le fin d'abord, il ne faut pas qu'il ait la croix en lui. Mm-hmm. Ce verset signifie que quand il sortait de la tente d'assignation, tant qu'il ne vient pas là-bas, il peut. Voilà. C'est vrai que l'alcool, ce n'est pas dans ta présence qui pose le problème, c'est dans la présence de Dieu. Mm-hmm. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans, c'est ce que la Bible nous a fait, non? Maintenant, dites-nous, là où ce lieu saint là se trouve. Où ça fait? Votre corps est le temple. Vous devez tirer les conclusions qui est en demeure. Vous devez tirer les conclusions qui est en demeure. Ça va, prenez. Que Dieu bénisse. Vous êtes trop fort. Autre question encore. Oui. Comme tu pensais qu'on perdait. Comment tu penses que le Seigneur dit qu'il va effacer les mêmes sondiers dans Genèse 32? Il a dit ceux qui vont pécher contre lui. Oui, parce qu'ils sont destinés à pécher. Oui, pour que vous, vous êtes chargé de pécher plus tard pour que je vous efface. Ok, les noms sont écrits à quel moment? Donc avant qu'il y ait la population sur la terre. Donc ton nom est écrit quelque part avant que ton père ne donne que ce nom-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Si ton nom n'est pas là, c'est que Dieu, avant de compter sa généalogie, il t'avait oublié, non? Donc tu es figurant sur la terre. C'est pas ta frère. Si on s'efface le nom, qu'est-ce qu'on peut faire? Romain, chapitre 9. Parce que les vérités que les gens ne veulent pas entendre, la parole ne veulent pas entendre du tout. Mais c'est quand même là. Tant que vous voulez la vérité, que vous allez dans la Bible, c'est ce que vous allez rencontrer dans la Bible ici. Faites vite, que je parle, on dit quelque chose ce soir. Romain, chapitre 9. Vous voyez, des chrétiens déposent la Bible sur des lieux de prière, après ça, ils prennent les pasteurs, ils disent jusqu'à 3000 lois en vain. Le mondain dit la même chose, dit la même chose. C'est un mondain. Si vous connaissez vraiment le Saint-Esprit, vous ne ferez pas de telles choses. Romains chapitre 9. On y va. Verset 18 et suivant. Ainsi, il fait miséricorde. Nous sommes dans Romains chapitre 9. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier? N'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Et un vase d'un usage vil, on prend un ciment, on construit une belle maison pour qu'on y habite. C'est le même ciment, on prend, on construit la tombe pour que les instruments humains y soient. Pas vrai, frère? Et que dit verset 22, et que dit si Dieu, voulant montrer sa colère, je suis en colère, voulant montrer cela, et fait connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour. Des vases de colère formés pour. Des vases de colère. Donc, je vais montrer comment il fait. Comment il veut montrer sa tête qui est sur la colère. Toi, ma colère sera déchargée sur toi. Viens, entre sur la tête. Sois têtu. Fais têtu, oui. Tant. Les autres disaient, Dieu en colère. Des vases de colère formés pour. Formés pour. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de. Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Vous fuyez, me fuyez. Vous allez trouver ça dans la Bible, frère. Elle sait pas où. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord? Donc, il y a un enseignement. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dans cet enseignement, tout est dit concernant le nom. Pourquoi pas écrit? S'il faut dire, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. D'accord, frère? Il n'y a rien que tu fais pour que ton nom soit écrit là-bas. Il y a des choses que des gens sont censés faire pour que leur nom soit ôté. N'est-ce pas, frère? Amen. Et beaucoup sont sur la terre, comme que leur nom soit ôté, ils ne savent même pas. beaucoup sont également sur la terre, les noms sont écrits, ils ne savent pas. Vous savez si oui ou non votre nom s'est écrit? Vous doutez seulement chaque jour, avancez au système. Qui sait? Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut savoir sur la terre que son nom est écrit? Oui, dites-moi comment. Dans ce livre-là, de ces Exode 32 dont tu fais état, il est question de lorsque les Juifs ont fait le veau d'or, Moïse est descendu, discuté avec Dieu, lorsqu'il est remonté pour discuter avec Dieu. Il dit que si tu veux détruire ce peuple-ci, efface mon nom dans le livre des livres que tu as écrit. C'est pas ça. Amen. Qui lui a dit ton nom? Son nom était là. Dieu n'a pas dit, mais Moïse, qui t'a montré ce livre-là? Le livre-là se trouve ici sur la terre, frère. Comment Moïse sait que son nom est écrit? Il dit, si tu veux d'abord taper les gars ici, efface d'abord mon nom. Il dit, toi, tu m'as fait quoi pour qu'il fasse ton nom? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son nom du livre. Dieu ne lui dit pas qu'il n'y avait pas un livre. Avant ça, personne ne savait qu'il y avait un livre quelque part au ciel. Qui a dit à Moïse qu'il y avait un livre et il a même vu son nom? L'apôtre Paul dit la même chose, c'est pas vrai, frère? Amen. Il a même donné les enseignements que quand il a vu le livre, il a vu le nom de telle personne, n'est-ce pas, frère? Amen. Il peut vous dire quelque chose? Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Mm-hmm. Continuons les questions. Il peut vous dire quelque chose, frère? Amen. Il peut vous dire quelque chose? Amen. Vous, ce que vous me regardez vraiment comme votre frère? Amen. La chose qu'il veut vous dire, c'est que je vous aime. Amen. Si vous êtes dans cet amour, quelque chose se passe de l'autre côté. Amen. Amen. Mm-hmm. Oui, des questions? Oui. Sentez-vous libre, d'accord? Mm-hmm. Cette soirée, c'est relax, vraiment. Si vous étiez ce dimanche, mm-hmm. qui était ce dimanche? Parmi vous, qui était ce dimanche? Mm-hmm. Qui était ce dimanche? Comment ça a résolu? Quand tu rentres maintenant, tu te calmes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu vas parler à haute voix celui-ci. Non, c'est que Bon, après quand je suis rentré, le lendemain, j'ai sélectionné moi. Voilà. C'est ce que Dieu va faire et c'est ce que Dieu fait. Vous ne pouvez pas dans cette présence-là, je rentre indemne. Oui, frère, oui. Tu as ce que c'est là? Oui. Donc, aujourd'hui, c'est relax. Mm-hmm. Posez des questions. Oui, frère, je vais demander ceci. Déjà, nous savons que le vin est mauvais. Oui. Attends, pourquoi tu viens toujours sur le vin? Il y a un moment où le vin est pour le mariage. Je vais mettre sur un pont clair, c'est ça? Oui. C'est sûr que les gens dérangent ces garçons qui sont au bureau. C'est mal. Vous avez vu le soir. Maintenant, uh-huh. nous ne pouvons pas donner aux autres parce que nous savons que tu as des soucis de force. Uh-huh. Maintenant, quelqu'un dit, bon, comme tu me donnes pas, donne-moi le jeu. Uh-huh. Toi-même, encore, tu sais encore que le jeu, encore, c'est encore terrible. Oui. On t'appelle de toutes parts. Je ne veux pas encore donner le jeu. Je veux savoir maintenant comment le fuir directement. Là, bon. On doit aussi les dire une fois la même chose, que même ça, ça va plus d'accord. Laisse-toi conduire comme tu as été conduit. Laisse-toi conduire pour le Saint-Esprit. Et tu subis ce que tu dois subir. C'est quoi, frère? Mm-hmm. Autre question concernant le vin. Si un parent ou bien quelqu'un t'envoie d'aller acheter le vin pour lui. Si, monsieur, comme tu poses la question pour moi, moi, j'aime pas. Parce que si un parent t'envoie, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Tu m'as posé la question pour moi, non? Je pose ta question. Si un parent m'envoie, non. Ton enfant, par exemple, si tu m'envoies, moi, je donne ma position. Mm-hmm. D'accord. La Bible est claire dans ses Romains, Marc, Matthieu, chapitre 7, verset 13. Fais à autrui ce que tu aimeras qu'on. Ou mieux encore, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimeras pas qu'on. Dans tous les sens, ça veut dire la même chose. Je n'aimerais pas qu'on me donne l'alcool, je ne donne pas aussi à quelle. Ça, c'est la loi. Pas vrai, frère? Amen. Fais à autrui ce que tu voudras qu'on. Est-ce que la commission, c'est. Non, j'arrive. Je ne peux pas envoyer quelqu'un acheter là. D'accord. Il n'en sait pas aussi comment. Amen. Hein, frère? Comment tu dois l'acheter encore? Mm-hmm. D'accord. Oui. Des questions? Oui, frère. Ma question que j'ai posée tout à l'heure. J'arrive. Où la nudité? J'arrive. Oui. Lorsque Dieu a créé tous les animaux, là, il a amené les animaux à. Devant Adam, pour qu'Adam le donne le nom. Mm-hmm. Bon, c'était un mâle et femelle. Bon, maintenant, dans Genèse chapitre 3, on dit le serpent a séduit Ève. Mm-hmm. Et après, Dieu a changé la nature du serpent-là. Bon. Et qu'en est-il pour sa femme, pour la femelle, la femelle. Bon, puisque elle. puisque si c'était de la faire répandue, s'est développée jusqu'aujourd'hui. Bon, la femme de la femelle du serpent, comme c'est un pari qui a séduit, il veut savoir si elle est restée comme elle était, ou bien... C'est grave celui-là. Je pense que pose une question. Regardez bien la question que je vais poser maintenant, doucement, d'accord? Vous êtes allé au champ, n'est-ce pas? Qui parmi vous a cultivé au champ? Vous savez, il y a des styles herbes au champ. Quand vous passez, ça vous touche, ça démange. Vous pensez que c'était au commencement? Je veux que vous me répondez. Si vous ne répondez pas, moi j'avance. C'était au commencement. Mais est-ce que ça grattait les gens? Répondez-moi simplement. Tu ne connais pas comment? Comment tu n'es pas au commencement? S'il y a des principes que vous voulez savoir, à partir de ces principes, vous n'avez pas besoin d'être là. Il y a des principes que en sache. Si vous connaissez ces principes, vous pouvez savoir oui ou non. Il y a des herbes, donc vous allez au champ, ça vous touche, ça démange. N'est-ce pas? Ou mieux comme la chenille, il y a des chenilles que ça vous touche, ça démange, ça gonfle, n'est-ce pas? C'était au commencement. Donc ça pouvait démanger quelqu'un au commencement. Créer des problèmes. Au commencement. Vous avez vu la rose? Les roses, les fleurs de rose, là encore une rose. Vous savez qu'il y a piquant à côté. Ce piquant-là, il y avait au commencement. Ça sort d'où? Ou mieux encore, le moustique qu'on voit aujourd'hui, il y avait ça au commencement. Oui. Il y avait le moustique au commencement. Il n'y avait pas toutes ces choses au commencement, puisque à la création du monde, il n'y avait que. Adam et Ève ne connaissaient ni le mal ni le bien, donc on ne pouvait pas distinguer. Bon, quel est le nom moustique? Je le dis après, justement. Donc après, quand il y a eu péché, que Dieu ait nettoyé la terre. À quel moment ça? Après le déluge. Après le déluge. Il a encore créé les moustiques alors. Le moustique que nous voyons aujourd'hui, parce que nous convenons que s'il y a un lion aujourd'hui, il y a une lionne et un lion dès le départ, non? Qui sont reproduits pour avoir ceci, n'est-ce pas? Donc il y a un moustique et un marin moustique. C'est ça, nos frères. Un moustique, un moustique. Et puis ça produit les moustiques que nous avons aujourd'hui, ce soir. Les deux premiers moustiques du départ, est-ce qu'ils piquaient les gens? Non. Manger quoi, frère? Je veux qu'on me dise. Quand vous allez répondre, moi je vais avancer. Je vous ai toujours dit que si vous ne posez pas, parce que moi je vais vous en poser, parce que j'ai des questions qui peuvent vous donner les cheveux blancs. C'est clair. Les moustiques du départ, donc, manger quoi, frère? Il mange l'herbe. C'est le principe qui est donné. Donc le moustique mangeait l'herbe. Hein, frère? C'est-à-dire que dès le départ, le moustique n'avait pas de trompe qu'on voit qui me menait dans les pots pour sucer le sang, n'est-ce pas, frère? Non, il avait la dent. Hein, frère? Comment vous pouvez me répondre? C'est le moustique du métal de frère. Parce qu'il m'a posé la question sur la femelle du serpent, la race avant qu'on le détruise, puisqu'il n'a pas participé au péché. C'est ça, il veut l'amener quelque part. Le moustique a commis le péché originel, frère. Pourquoi il a commencé à venir en bois du sang aux gens? Comment? C'est pas vrai. Bon, disons la question du frère, c'est Lévitique. Dieu vous bénisse. Il y a des choses que vous n'avez pas pensé encore, n'est-ce pas? Commencez à penser. C'est difficile à comprendre, parce que moi je voulais poser tout là-dessus. Il veut me répondre, comment veut qu'on veut avancer? Lévitique chapitre 18. Donc normalement, avant le péché, il n'y avait rien qui pouvait blesser l'être humain, n'est-ce pas? Ni même blesser même les lions, n'est-ce pas? Ni même faire du mal. Donc on est fait quelque chose de mal, c'est fini à l'issue du péché. Mettez le doigt dans Lévitique, allons dans Jérémie, dans Genèse. Regardons quelque chose. Quand il faut vous me regarder comme ça, comme si j'avais écrit une nouvelle Bible. Voilà. Genèse, chapitre 3. Vous êtes dans Genèse, chapitre 3. Hein? Regardons le verset 17 et suivant. Regardez. Il dit à l'homme, il s'y est mis pour le Seigneur, d'accord? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordure, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous y êtes? Verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des ronces. Puis verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, ce verset-ci vient nous montrer effectivement qu'il n'y a pas des épines. Donc, à l'issue du péché, les épines sont venues. Donc, ça veut dire qu'il pouvait avoir, s'il y avait la rose d'elle, parce que nous convenons qu'il y avait la rose, à l'issue du péché, l'épine est le symbole du fait qu'il a été aussi, il a aussi subi les effets du péché. Quand vous voyez, les arbres avaient les piquants là-dessus. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, cet arbre-là n'avait pas ce style-là. Parce que c'est là qu'on s'est protégé, parce que l'heure est grave. Parce que vous riez. Vous avez vu dans les déserts, ces choses qui sont comme les aloe vera. Les cactus. Avec le truc comme ça, grave comme ça. Là. Les scientifiques peuvent expliquer qu'il faut essayer de réduire comme ça pour essayer de réduire le taux d'expiration de l'eau. Et c'est parce que la Bible donne comme expiration. Normalement, le désert, d'abord, quand vous regardez le désert, ils vont comprendre qu'il ne faut pas avancer là-bas. Hein? Parce que l'aventure, c'est s'aventurer vers la mort. Donc, il y a l'ombre de la mort là-bas. Même les démons partent là-bas, ils cherchent où pas habiter, ils ne trouvent pas. C'est pas ça, frère. Ah, parce que là-bas, tu ne peux pas habiter dans le sable. N'est-ce pas, frère? Alors, lui, il dit qu'il rentre encore dans la population. Donc, quand vous voyez ces cactus-là avec les piquants là-dessus, ces piquants, c'est dit, Dieu dit que la terre a produit ça à l'issue du péché, à cause du péché. C'est ce qu'on dit là. Que la terre se produira des ronces et des épines. La terre se produira. Donc, ça ne produisait pas encore. Donc, les épines n'étaient pas au commun. Comment c'est venu à l'issue du péché. Et puis on pense à développer et étant donc sur toute la nature. Bon, revenons à l'autre, il y a Lévitique 18, là, avant qu'il y ait dans ces choses qui vont vous faire compliquer la vie. Vous imaginez que Adam va dans le jardin avant le péché, il va faire la même pour créer une belle fleur pour donner à Ève. Il dit, aïe, ma mère a été piquée, ça ne pouvait pas se retrouver au commencement. Mais tant que maintenant il rose, que pendant que tu as la mère qui te dit que bonjour, tu dis bonjour, tu vois, ça va de quoi la rose là-bas. Chapitre 18, verset 1 et suivant. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays du Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parole pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. La nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Qu'est-ce que vous en dites par rapport au verset 9? Verset 9, vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce que vous pensez? On avait dit quoi là, dans le verset 9? Quand il va faire des copines avec une autre sœur. Une autre sœur. De notre demi-sœur. De notre demi-sœur, ça se plante. C'est ça? Oui. Ça se plante que quelqu'un ne veut pas prendre sa femme. Que pensez-vous d'Abraham et de Sarah? Comment? Avant la loi. Ce qui est péché dès le départ est péché. Amen. Tu veux qu'il avance ici quelque part? Allons-y rapidement quelque part à voir ça. Verset 22, lis-moi le verset 22, toi qui as parlé. Allons-y. Oui, il fait un bon en avant pour que tu me dises. Allons-y. Tu ne cocheras point avec un homme comme on coche avec une femme. C'est on appelle ceci quoi? Donc, c'est le péché ou c'est pas le péché? Le péché. Pourquoi as-tu dit tout ce nom et comment? Il y avait la loi. Il y avait la loi à ce moment-là. Dans ce cas, pourquoi le péché? Pourquoi tu peux considérer ça comme péché? Il prend d'après. C'est toujours votre parole qui me fait parler. J'ai lu ici. Il dit que. J'ai dit, verset 9, on a dit tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison. N'est-ce pas? J'ai dit que. Ok, qu'est-ce que vous en savez? Vous dites que ça veut dire qu'on ne doit pas épouser sa demi-soeur. Il dit qu'est-ce qu'on dit d'Abraham? Vous avez couru rapidement que Frère Junior, tu ne savais pas que c'était avant la loi. Il dit, ok, pas de problème. Je crois aussi qu'un événement qui a eu lieu dans cette même période, puisque c'est le Seigneur Abraham qui est intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Les hommes couchent avec les hommes. Donc, ça, c'est le verset 22, on dit que tu ne coucheras pas ainsi. Pourquoi il a puni Sodome sans punir Abraham? Il dit, vous allez lire votre Bible aussi. Voilà, Abraham, il descend comme ça, il connaît Abraham qui a épousé sa demi-sœur. Et quelqu'un va même toucher même sa demi-sœur, il dit que. Cette femme-là, elle a un mari. Et le mari, elle est prophète. Il va te traiter si tu vas voir. C'est ça, frère. Pourquoi il ne punit pas? Il a dit clairement ici. Il a commencé en introduisant ce chapitre en disant, vous ne pratiquerez pas quoi que ce soit que vous voyez en Égypte, là où vous sortez, ni ce qui se passe là-bas, là où dans, vous avez une certaine façon d'agir, c'est maintenant à moi. Vous devez marcher et mettre en pratique, c'est ça? L'homme qui mettra en pratique, il vivra par elle. Donc si vous pratiquez les noms de ce terrain, il fait comment? Il frappe. Comme il a frappé Sodome et... Pourquoi il n'a pas frappé Abraham? Abraham. Pour me répondre, frère. Comment est-ce que Noé? Et l'autre ou Noé? Oui. Les premiers enfants de Adam ont fait ce sens, c'est ça. Quoi ça? Peut-être que vous faites encore, peut-être à cette époque-là, il fait un étendre, là, pour étendre. Pourquoi on a dit que ce nom est vraiment, alors qu'il n'y avait nulle part qui interdisait ça? Parce que les états étaient gentils. Je veux continuer. Je pense, comment aller avant là? Il vous arrive que vous soyez seul à seul avec les écritures à genoux. Vous ouvrez, vous regardez les choses, vous déposez de côté, vous posez la question à celui qui a inspiré ces livres, c'est le Seigneur. Je ne comprends pas ces choses, Seigneur. Vous arrivez de faire cela, franchement, sérieux. Faites cela constamment, il va vous parler. C'est-à-dire, vous déposez la Bible, vous mettez à genoux. Quand vous dites que je ne comprends pas, restez tout simplement calme. Vous allez entendre, il dit, va dans tel passage, va dans tel passage, va dans tel passage. Tu vas le prendre complet, tu es étonné. Ne lisez pas tout simplement la Bible comme ça, ne lisez pas tout simplement. La Bible, c'est pas un roman. C'est un ensemble de cours, des événements passés, présents et futurs, et des révélations des choses que, de sa pensée, de la pensée et de la personne de Dieu qui est révélée ces gens. C'est pas juste un roman de distraction. D'accord? Lisez, sondez, il va vous dire. Alors, la question qu'il pose subsiste. Pourquoi il a dit Sodome? Pourtant, il n'y a pas de loi, il n'est du tout pas Abraham. Pourtant, l'acte des sœurs, l'homme qui couche avec son. Qui prend, qui découle la nudité de sa soeur, est réprimandé ici. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la différence entre cet acte et l'acte de Sodome et Sodomie? Ou mieux, est-ce que Dieu avait le droit de détruire Sodome et Gomorre à cause de cet acte-là? Vous voyez que un acte qui est abominable dans la pensée de Dieu, même si tu n'as pas de loi, sera toujours depuis quand même, frère. Amen. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Amen. Un acte qui est abominable dans la pensée de Dieu ne peut pas changer, n'est-ce pas? Amen. Même avant que la loi ne soit là. Genèse chapitre 15. Alors, dans Genèse chapitre 15. Qu'est-ce que vous faites même aujourd'hui, ce jour-ci même? Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. On lisait les Lévitique dans l'objectif de répondre à la question de ce frère-là, si ton parent. Si ce sont vieux et hauts d'avant, tu vas lire le vestige, chapitre 18, tu vas aller prier là-dedans. Il dit Genèse, chapitre combien, frère? 15. Ok, maintenant, chapitre 15. Je vais d'abord verset 12 rapidement. Vous pouvez lire ça dès le départ. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Oh, vous parlez de ces choses-ci. Vous parlez. Vous pouvez voir comment Abraham était angoissé ces jours-là lorsqu'il a vu Jésus-Christ crucifié. Regardez comment il a ouvert les yeux. Subitement, il a vu l'ombre parcourir la terre, il a vu le Messie exposé là-bas. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Vous dites, Amen. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grands dieux. Ça, c'est des grands échecs. Quand Dieu dit comme ça, il y a un seul Israël qui est né. Non. Il y a un seul personne de ce pays-là qui est né. Non. Donc il a déjà programmé leur vie. La génération qui sera là, va aller là-bas en captivité. On dirait 400 ans après, vous criez n'importe comment après, 100 ans, ça ne résout pas le problème. Vous chantez délivrant, après 300 ans, ça ne donnera pas le. Il a décidé comment. C'est Abraham qui a dit 400 ans. Vous, vous êtes supplant, vous vivez la chose, personne ne sait quand ça va se passer. Pas vrai, frère? C'est Dieu. Si tu te fâches, sors du monde, on voit. C'est pas ça, frère. Verset 16. Non. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu as vu là que les gens meurent pas, non? Quand ils meurent, ils vont vers leur, vers ses pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son rang. Les Amoréens, Dieu leur a envoyé une loi pour dire que respecter ceci. Ils vivaient dans le péché, n'est-ce pas? Maintenant, ils voulaient corriger quelque chose, donc ils disent quelque chose par rapport aux questions que les gens posent. Vous savez, quand les gens réfléchissent, et que la réflexion ne traverse pas le bout du nez. Donc on arrive à ce niveau-ci. Et or, cette question, si j'entends seulement ça chez les Africains, on dit, avant que l'évangile ne vienne ici dans le monde africain, nos parents vivaient. Ceux qui ont péché, donc avant que l'évangile ne vienne, comment ils vont faire? N'est-ce pas, frère? Vous entendez cette question, non? Bon, maintenant, avant que l'évangile ne vienne ici en Afrique, il fut un temps où l'évangile était chez les Juifs, avant d'arriver aussi en Europe. Donc, les mêmes questions se posaient dans tous les continents. C'est pas le problème. Voici quelqu'un qui a des causes avec Abraham. Il a dit de rentrer à Abraham que le peuple a mourir là. Mais il n'équitait pas encore à son compte. Il attend que ça arrive à un niveau. Il veut les traiter. Il a envoyé quelqu'un pour aller le prêcher. Non. Romains chapitre 2. Donc, les gens posent des questions. Non. Avant que les gens ne viennent, nos parents servaient Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Si il n'y a pas l'évangile, vous servez l'obscurité. Vous servez l'obscurité, vous irez dans. Romains chapitre 2, vous y êtes. Amen. Je vais lire le verset 12. Et que le prêtre est tout romain là rapidement. Romains au chapitre 2. Souvenez-vous du jeûne qui commence le 17 mars et finit le 10 février. Souvenez-vous des trois points. Et ces jeunes-là. Soyez sérieux avec ces jeunes. Ça ne va pas faire grand-chose. Oui, il est faut la délivrance. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Vous y êtes. Il veut lire le verset 12. Regardez. Tous ceux qui ont péché sans la loi entreront au paradis. Non. Et comment, frère? Et aussi sans la loi. Encore. Et aussi sans la loi. Donc. Tu pèches sans la loi, tu es, tu... Donc, voici par exemple la loi. Dans la loi, c'est écrit que si tu n'as pas commis l'homosexualité, tu commets l'homosexualité, tu vas en enfer, n'est-ce pas? Mais là, voici quelqu'un qui n'a pas cette loi-ci. Donc, il ne connaît pas que ça va, ça met en enfer. Donc, comme lui, il a commis l'homosexualité, mais ça ne sent pas que ça met en enfer. Quand il vient, on dit que non, entre. Là, n'est-ce pas? Que entre à l'enfer. C'est ça, non? C'est ce que Romains en train de dire, pas vrai? Donc, si tu as péché sans la loi, on ne met pas la loi devant que pour te présenter au jugement, non? Amen. On dit, ok, tu as commis l'homosexualité. Entre là-bas directement en enfer, non? On n'a pas le temps avec toi. Amen. Encore, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc, si l'évangile est avant que ça ne vienne, que nos parents péchaient, on ne doit pas les tenir rigueur. On ne va pas perdre le temps à leur dire que ouais, l'évangile, puisqu'ils vont dire que non, il n'y avait pas l'évangile. Tu as vécu comment? Pourquoi tu as seulement choisi ce qui est mal pour faire quand il n'y a pas l'évangile, n'est-ce pas, frère? Donc tu entres par là-bas. Maintenant, regarde le verset pour lui dire. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu étais sous la loi. Reste là. Lévitique chapitre 18, verset 22. L'homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Que dis-tu de cela? Dis, j'ai. Tu comprends ta fantaisie? Oui. C'est pour ça qu'on te combat. Tu as bien compris? Dis, oui, Seigneur. Entre donc là-bas. C'est la Bible, ça, n'est pas, frère? Amen. Comment vous riez seulement? Il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, donc si les Africains et les continents qui n'ont pas encore reçu la limite de l'évangile, avaient péché, ils vont périr. Parce que Dieu a dit non, il n'avait pas péché parce qu'il ne connaissait pas. Parce que quand il était avec Abraham dans le chapitre 15 en train de discuter, c'est lui qui l'informe que les Amoréens sont des péchés, pas vrai? Abraham était là-bas, il savait. Il est descendu à Sodome et à Gomorre. Alors vous avez le chapitre 18 de Genèse, toujours. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se semble passer dans cette soirée? Vous ne savez pas le Dieu que nous servons là. Si vous êtes ses fils, il vous connaît d'avance. Vous n'êtes pas ses fils, vous allez seulement tourner à l'air, peut-être pas. Maintenant, il a vu la partie verset 16 du chapitre 18, d'accord? Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous y êtes? Amen. L'Éternel dit, écoutez tout attentivement, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accrue et leur péché est énorme. Qui criait frère? C'est sur la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est Dieu qui dit ici, c'est Dieu. C'est pas quelqu'un qui a traduit la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit sa propre bouche. Il dit le cri contre Sodome et Gomorre est énorme. N'est-ce pas? Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Donc il y a tellement de cris. Waouh! Waouh! Contre Sodome. Il dit ouais! Ouais! Sodome! Ouais! Le Père dit bah encore. Regardez-le dans la nuit. Regardez-le. Ouais! Sodome! Il dit Dieu. Il y a le cri qui s'est accru. Et il dit, et son péché est. Mais la grâce, il dit. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu a besoin de descendre sur toi pour aller faire l'investigation. Alors, il dit, selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Donc un bruit est venu vers lui. Qui a crié pour que Dieu dise que pourquoi on dit que Sodomie pêche que Seigneur, Sodomie pêche que c'est grave là-bas. Descends, vois toi-même. Qui criait? Les prières de qui, frère? Hein? Qui criait? Les oiseaux, les cris, bon, tu comment dire ça? Donc, mettez-vous à genoux. Il n'y avait que l'autre là-bas. On dit dans 1 Pierre, il tourmentait journellement son âme juste. Quelqu'un t'a dit que ça le dérangeait là-bas. On ne durait pas quelqu'un là-bas. On a dit depuis petit jusqu'au plus grand, tout c'était comme ça. N'est-ce pas, frère? Ce que je veux dire, c'est que voici les gens, on dit que le cri contre eux est venu. On s'attendait à que Sodome ait une loi qui les interdit de faire quoi. Il n'a pas de loi, mais Dieu dit que le cri, ça nous réfléchit. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Donc, tu lis le verset 18. Tu restes doucement, d'accord? Alors, dans 1 Pierre, prenons un sujet ce soir, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quel est le remercie, il ne doit pas vous retenir pour longtemps. Ou bien, continuez avec les questions. Posez des questions. Je crois que c'est les questions. Videz votre sac, videz vos poumons et votre cœur. Sortez de votre ventre et videz-en. Et s'il n'y a pas, je vous en pompe. Le livre, si tu l'as pris où? Va déposer là-bas, c'est pour le traduire au monde nouveau, c'est pas pour toi, sinon tu n'as pas t'en sortir, d'accord? Faut dire à ton mari, tourne-toi, dis, achète-moi une Bible. Tourne-toi, dis à ton mari, achète-moi une Bible. Même comme j'ai déjà mon téléphone. Oui. Il faut une Bible où tu peux souligner, d'accord? Donc, il y a. Prends la blanche là. Des questions, frère? Oui, frère. Oui. Dans Romains, j'avais trouvé une bague que Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. Ça veut dire que l'homme était soumis au péché. C'est ça, mon frère. C'est puisqu'elle est la chair. Voilà. Mais quand on regarde, par exemple, la vie des acteurs de la Bible, là. Oui. On regarde peut-être Daniel, Moïse, on regarde que. Leur vie, en fait. Ils ne vivent pas dans le péché. Oui, frère. Oui. Mais bon, pourquoi, puisque la loi, c'est depuis Adam, le péché est entré. Oui. Pourquoi ce péché-là n'a pas été entré sur eux? Qui a dit que le péché n'est pas entré sur eux? Qui a dit que ça n'est pas entré sur eux? Dans le dernier chapitre, il dit clairement, il résolut en lui-même de ne pas se souiller avec les mains que les jeux te font. Il a demandé la grâce à genre de les permettre pendant les 10 jours de celle-là. Il n'a pas mangé ce que les autres mangent, n'est-ce pas? Il savait que ce qui était bien devant Dieu. En plus, il était parfait. N'est-ce pas, frère? La question maintenant, c'est pourquoi dans notre temps, s'il y a tellement de choses, Satan sait que c'est une époque de la fin. Donc, il a multiplié la séduction, ou si c'était parfois 100, il a multiplié à 400 000 maintenant. D'accord? Les choses sont tellement séduisantes et tellement vaniteuses maintenant. Avant, pour trouver une jeune fille qui était belle, on dit que oh, Sarah était belle de figure. Il y a des femmes qui sont plus belles maintenant, 400 000 que Sarah. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, mais nous sommes de. Ça, c'est donc, cette caractéristique de beauté universelle qui se trouve maintenant. Il y a même des gens où vous dites Miss France ou Miss Amérique. Tu le regardes comme une fille de ton quartier plus belle qu'elle. Pas bref, hein? Hein? Ouais. Tu demandes comment on allait chercher celle-ci. Ou, juste parce qu'on dit qu'elle est belle. Elle est sortie comme ça, là, c'est une fille de Miss. Donc, la femme la plus belle, c'est celle-là. Alors qu'il y en a tellement ici. Regarde les jeunes enfants, quand une petite fille, regarde justement les petites filles, tu les vois alignées comme ça, tu comprends que la génération suivante est en danger. Et tu vois la beauté des jeunes petites filles. 2 ans, tu les vois dans la façon que c'est une belle. Tu dis, oh, les garçons sont finis dans le départ. Voilà les voilà qui arrivent. Donc, en ce temps-là, il y avait de moins en moins de beauté. Par contre, les gens ne fichaient pas n'importe comment. Il était question même que si on voit une fille, pour qu'on puisse intenter des inscriptions contre là, on devait passer par les parents. Il y avait des normes. C'est pour ça qu'en Israël, il y avait tellement de jeunes filles vierges. Tellement de jeunes filles vierges. Va savoir maintenant combien de filles. Tu dis, 14 ans, tu m'as déjà vierges. 9 ans, quelqu'un a 2 enfants jumeaux. N'est-ce pas, frère? Notre génération. Il dit 9 ans, quelqu'un accouche. C'est le séduction. Donc, ils avaient le péché. Le péché avait son emprise depuis Adam. Comme Adam a péché dans la Genèse, comme on voit là. Mais l'accentuation sur les œuvres de la chair n'était pas accentuée. Il n'avait pas tellement de choses, des attraits qui peuvent les attirer maintenant. D'accord? Oui, mon cher. Je n'arrive pas à retrouver dans quel passage que j'ai lu l'histoire de Jéroboam où son fils, l'un de ses enfants est tombé malade. Oui. Il fallait que. Il peut avoir un prophète, le prophète était déjà. Et puis il est allé, il s'est déguisé, sa femme s'est déguisée. Sa femme s'est déguisée, mais mm-hmm. le prophète a démasqué dès oui. là-bas. Oui. Et ma question vient du fait que quand Dieu veut le punir, puisque il a été choisi par Dieu, oui. mais il a décidé de choisir plutôt l'idolâtrie oui. et beaucoup d'autres choses. Mm-hmm. Quand Dieu décide de le punir, non seulement il commence par tuer son fils. Oui. Et il décide aussi de punir tous les autres habitants de sa ville. Oui. Ma question est de fait, pourquoi est-ce que, puisque lui, il est roi, il a décidé de mener une certaine vie, pourquoi oui. punir tous les habitants de sa ville? En fait, là, regardons exactement le péché de Jéroboam. D'accord? Avant d'être là-bas, situons bien la chose pour qu'on puisse bien saisir. David est roi. Normalement, Israël ne doit pas être divisé. Il doit avoir un seul roi sur le royaume d'Israël. Après David vient Salomon, n'est-ce pas? Dieu avait décidé de faire que le royaume de David, de Salomon, soit en paix. Parce qu'il était le type de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il serait pour lui un père, il serait pour moi un fils, d'accord? Maintenant, après, pendant que Salomon, la fin de la vie de Salomon, on va laisser là, ce que tu as dit, c'est dans un roi, et puis souvent, on va parcourir là-bas, un roi chapitre 11. Lorsque Salomon a quitté la scène, les femmes vont détourner sa voix sur ce qu'il va pécher, il va l'idolâtrer en soxon, n'est-ce pas? Mais comme Dieu avait fait le serment à David qu'il ne doit pas détruire Salomon, il va dire que c'est à l'issue, c'est son fils qui va frapper. C'est dans le royaume de son fils qu'il va frapper. Donc, durant ce moment-là, Jéroboam aura des intercations donc, avec Salomon. Jéroboam aura des intercations avec Salomon. Il va fuir en Égypte. D'accord? Un de ces jours, quand il va rentrer maintenant en Égypte, il va être rencontré par ses prophètes dans le prophète Ikeldien, n'est-ce pas? Bon, il va prendre son manteau, diviser en 12 parts, lui donner 10 parts, que ainsi parle l'Éternel. Je déchire le royaume à la descendance de David et te donne 10 parts, n'est-ce pas? Les royaumes les 10 royaumes du nord sont caractérisés. La capitale, c'est Samarie. Le royaume du sud, il reste 2 à la maison de David parce qu'il a dit clairement dans le serment qu'il ne laissera pas de descendants. Il n'y a pas de royaume qui n'aura pas de descendants à David. Alors on a 12, donc 10 en haut, dans le royaume c'est Samarie, et 2 en bas, dans le royaume c'est Jérusalem, n'est-ce pas? La capitale, c'est Jérusalem. Et on va commencer à voir, donc vous allez voir donc à l'issue de 1 roi chapitre 11, vous allez voir que sur Roboam, maintenant, le royaume va être divisé. En haut, il y aura le roi d'Israël, on les appelle les rois d'Israël, mais tout le pays est appelé Israël. À partir de celle-là maintenant, Israël va être caractérisé, quand on dit Israël maintenant, le roi d'Israël, ce sera le royaume du Nord. Pourtant, tout le pays était appelé Israël. Maintenant, à la division, on va dire, quand on dit le royaume d'Israël, maintenant, c'est le royaume du haut. Le royaume du bas, on va parler le royaume de Juda. D'accord? Parce que le capitaine, c'est Jérusalem. Maintenant, écoutez très attentivement. Lorsque ça sera divisé maintenant, Jéroboam sera en haut, Roboam 1 sera en bas. D'accord? Maintenant, le vrai problème maintenant, c'est que lorsque Dieu, tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 22, que lorsque l'Éternel sera béni, il y aura un lieu dans le pays où il choisira, puis il fait résider son nom. Ça ne voulait avancer pour aligner là où Jéroboam se trouve avant d'avancer dans la Bible. D'accord? Il dit que peut-être le lieu où Dieu, l'Éternel aura fait résider son nom sera éloigné. Donc, tout le peuple d'Israël doit célébrer la Pâque de l'Éternel. Tout le fait de l'Éternel, ça se fait uniquement à Jérusalem. Et il voit maintenant que le roi Jérusalem se trouve dans le royaume du Sud. sais pas si vous suivez. Après le schisme, après la séparation, les 10 royaumes du nord, les tribus de Dan, de Nephtali et autres là-bas se trouvent au nord. Les deux tribus, Judas et Benjamin, se trouvent au sud. De telle enceinte que ceux du nord, malgré qu'ils soient séparés, sont obligés d'aller faire les pèlerinages annuels à Jérusalem. Parce que le temple, le lieu où Dieu se trouve pour espérer son nom, se trouve plutôt dans l'autre royaume. Jéroboam va donc avoir cette pensée-ci. Comme les gars s'ils sont en train d'y aller chaque année comme ça là, ils peuvent aller là comme ça là, leur cœur est encore détourné au point de rentrer le royaume. Ils disent que désormais, nous rentrons sur le royaume de Judas. Tu poses la question. Quand il n'était rien, il était fugitif, qui lui a donné 10 royaumes? Qui a décidé de déchirer le royaume en deux? Le voici maintenant qui est en train de le plan, maintenant pour faire sa part dans le plan de Dieu. Il se dit que, celui qui se dit, hein, il se dit que quand les gens vont descendre là-bas, leur cœur va être dévoué. Après, il s'attache encore au fils de Salomon, n'est-ce pas? Allons-y, on y voit la conséquence. Ce qu'il va faire, ce péché qu'il va faire, au point où on va effacer le nom de Dieu. Allons-y, un roi. Il y a ce monsieur, c'est que quand tu lis la Bible, tu es tellement étonné du fait que quelqu'un, et remarque de pardon qu'on y est, comme tu as pris cette histoire-là, voici un roi, quelqu'un qui n'était pas quoi que ce soit, c'est Dieu qui a envoyé le prophète vers lui, le rencontre le chemin, lui dit, ainsi parle l'Éternel, je vais te donner 10 royaumes. Il part, il fuit après, pas, de longtemps après, quand Salomon meurt, subitement, Dieu va, écoutez très attentivement, le fils de Salomon, Roboam, va monter au pouvoir, il y aura un problème entre les jeunes et la corvée qui va se poser dans le pays. On est venu nous proposer, dire que, ok, si on peut nous amener la telle corvée maintenant, dites-nous, il faut enlever, aller revenir dans 3 jours, je vais demander ce qu'il y en est. Il demande au conseiller de son père qui était là-bas, après il demande aux jeunes gens avec qui ils ont grandi. Les jeunes gens disent, ok, vous, on ne peut pas mis combien de fois, 5 fois, il veut multiplier ça par 5 encore. Il dit, hein, ok, ça comme ça là. L'autre, on dit que pont de rapport avec la maison de David, n'est-ce pas? C'est là ils sont tournés. La Bible déclare que ces choses-là venaient de Dieu, donc Dieu lui-même a créé ces problèmes-là pour que le gars prenne les mauvaises décisions. Il faut qu'on fasse attention avec Dieu. Lisons cet événement dans le chapitre. Chapitre 12 de 1 roi. Vous y êtes. Bon, vous avez noté 1 roi chapitre 1, chapitre 12. Vous y êtes, vous avez noté 1 roi chapitre 12. On va revenir d'abord, on va lire le chapitre 11 à partir du verset 26 pour comprendre l'histoire dont je suis en train de raconter maintenant là, et puis on va y avancer, d'accord? Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, 1 roi chapitre 11. Jéroboam, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, éphratien de Tséréda. Il avait pour mère une veuve nommée Séroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et ferma la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Vous y avez moi. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija, vous y êtes, des Silo, revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Donc, voici quelque chose. En fait, Salomon va pécher. Vous lisez le chapitre 11, mais Salomon va pécher à cause de ces femmes-là. Dieu va faire la seule promesse, prenez le temps de lire. Dieu va faire la promesse qu'il avait juré qu'il ne va pas détruire. Donc, c'est à cause, c'est après lui qu'il va faire. Donc, vous êtes comme ça, Dieu en train de faire ces choses tranquillement, vous ne savez même pas ce qui se passe. Salomon est vivant. Pendant qu'il a défait le corvée, parce que le pas dans le champ, un prophète le rencontre. Salomon, le roi, est là. Donc Dieu l'a décidé sur son sort. On dit qu'il était seul à seul dans les deux à qui j'allais rencontrer. Il était seul. Maintenant, je s'en ai parlé parce que cet homme-ci, c'est pour ça que vous devez faire attention lorsque vous confrontez la vérité avec vous. Si quelqu'un confronte, rencontre la vérité face à face, il s'en détourne. Je ne sais pas comment ça fait, comment on peut faire pour s'en sortir. Parce qu'on ne pourrait plus jamais vous en sortir. Comme ça que ton homme qui était venu voir, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit que tu connais la loi. Il a dit, oh, quoi? Il y a une nouvelle loi encore? Non. C'est que la loi de Moïse, il a dit, Jésus, vous tout ce qui est ici, j'ai oublié ça depuis la raison, oui ou non? On dit oui. Et alors, il y a encore quoi? Et tu cherches encore, hein? Et si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, distribue dans le monde pour plus vivre sur moi. Il dit, ok, je te vois venir. Que j'ai partout dans le désert comme toi, là, qui n'a pas de maison. Il a entendu dire que tu n'as même pas où mettre la tête. Mon ami, je vais vous mettre ma tête, laisse-moi tranquille partir. Écoutez très attentivement, il vient de rencontrer l'auteur de la vie éternelle. Il vient de rencontrer la vie éternelle, il l'a rejeté à cet instant-là. Chapitre 7 nous dit dans Luc qu'il s'est retrouvé en enfer. Ils ont crié qu'on voit dans la maison de mon père qu'ils ne font pas la même chose, n'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Un homme riche. Maintenant, ici, Salomon va faire ces choses dont là, Dieu ne l'a pas le recommandé parce qu'il avait déjà donné le serment. Il a choisi Salomon, nonobstant du fait que Salomon va faire n'importe quoi, il a choisi. Vous montez, vous descendez, il a choisi. Il a dit que c'est son fils qui va subir. Donc tu nais comme ça sous quelqu'un que la malédiction est déjà venue. Alors, cet homme, Jéroboam, qui rencontre le prophète, on lui explique exactement ce qui va venir. Et le plus grave, c'est que quand il sera dans le royaume, quand il monte au pouvoir, le prophète sera toujours dans le pays. Normalement. Si quelqu'un était une chose, deux, trois, quatre fois que ça s'accomplit, comme s'il l'a dit, tu devais craindre cette personne-ci. Et que si tu avais une situation deux plus tard, puisque tu n'as pas fait l'effort pour venir là-bas, on t'a dit que Dieu t'a destiné à ceci. Et tu vois ça, cela s'accomplit. Et quand ça s'accomplit, maintenant tu as un problème, tu commences à réfléchir par toi-même. Pourquoi ne pas envoyer, appeler le prophète? Parce que le prophète est là pour cela. Que le prophète, voici les choses qui arrivent. Les Juifs partent à Jérusalem. Et y a-t-il un problème là-bas? Il dit non. Lui, il va prendre sa part des décisions comme Dieu. Mais c'est étrange. À qui Jacques saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité de Sidonien, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Écoutez, verset 34, je ne tirerai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je ferai le royaume de la main de son fils, et j'en t'en donnerai 10 tribus. On parle comme ça. Son fils doit pouvoir. Donc le gars est prédestiné à perdre le royaume. Vous voyez ça? Vous allez partout dans lui, vous allez seulement rencontrer ces choses-ci. Verset 36. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y faire mettre mon... Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Ouais, voici quelqu'un qui il n'a pas fait la campagne. Il n'a pas de gens à côté de lui. Il n'a pas fait le coup d'état. C'est Dieu qui décide. Dieu a décidé de diviser le royaume d'Israël. Dieu a décidé de diviser le royaume d'Israël. C'est la solution qu'il a décidé. Personne n'a dit que ce n'est pas une scission que les gens sont levés que. Comme le Cameroun, que c'est sionniste, nous sommes les Bamins d'anglophones, nous sommes marginalisés. Alors, dans ce côté, non, c'est Dieu qui a décidé. Verset 37. Non, je crois, verset 38. Écoutez très rapidement, les ordres qu'on lui donne, c'est en tenant. Il dit le plus grave, c'est que la personne qui a de lui dire là, quand elle va monter au royaume, se trouve encore en vie. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonne, t'honorerai. Je recommence encore ça, mais fais un genre, parce que cette chose, cet homme-ci, c'est un problème dans la Bible. Je le vois. Écoutez. Il rencontre un prophète. Il n'a pas la tête à prendre le royaume. On l'informe que tu seras roi. En fait, tu auras dit pas. Puis on lui explique ici le pourquoi on avait divisé le royaume. Que c'est parce qu'ils avaient péché en s'éloignant de moi. Je vais que vous gardez ceci à l'esprit. Si vous lisez le chapitre 11 là, derrière, on dit que Salomon aima beaucoup de femmes. Il fit encore, il lui fait 100 princesses et 300 concubines. Et il construit à chacune de ces concubines là, les dieux. Tu veux quoi dire? Tu sais qui marie? Construis la palais de Marie là-bas. Tu sais qui? Joseph d'Arimathée. Pas continuer de parler de Dieu de Marie. C'est Salomon qui a fait avec sa sagesse que Dieu lui a donné. Dieu ne lui punit pas. Il dit qu'Israël a péché. Il n'a pas dit Salomon. Il dit Israël a péché. Celui-ci se fâche. Lui dit comment il pêche. On veut mettre le problème. Quand il construit les hauts lieux là, c'est lui qui allait vers là-bas. D'abord, il partait dans tous les hauts lieux là. On avance ici, frère. Peut-être, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. Vous y êtes, frère? J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Donc Dieu prophétise même qu'en fait l'élimination n'est pas pour toujours, donc ça va être restauré. Nous sommes seulement les pions, frère. Verset 40. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shisha, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Vous voyez, la Bible dit dans Ésaïe 30 à 33 que malheur à ceux qui cherchent la protection des pharaons, En partie de la personne qui a choisi, il allait là-bas pour se protéger. Dieu n'a rien dit, parce que c'était le meilleur endroit pour se protéger. Que Dieu vous bénisse alors que vous écoutez ça. Et surtout que vous saisissiez ce que ça veut dire. Verset 41. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses frères et fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. On introduit maintenant qui? Roboam. Et Roboam, on a introduit, on a rapporté sur lui que c'est son royaume qu'on veut le traiter. Pas vrai? Maintenant, ce qui est important de prendre l'histoire de Roboam, parce qu'il pouvait aller directement dans Jéroboam. Il faut qu'on aille doucement pour qu'on voie les événements et que ça entier instruction. Le vrai problème que je viens de vous amener, c'est que Dieu contrôle nos éléments, les éléments de nos vies, sans notre ordre, sans que nous en soyons au courant. C'est parce que toi et moi, nous avons ça devant nous, mais là, on a donné les actions qu'on a écrites. Eux, quand ils étaient dans les activités, ils ne savaient pas que c'était Dieu, pas vrai? Dans le livre des Juges, au chapitre 14, vous disiez Juges, chapitre 14, vous allez remarquer quand Samson va aller voir une fille là-bas à Timna, il va dire à ses frères, descendre à Timna, on va chercher le frère, il dit, mince, mon frère, c'est comment avec toi? Il n'y a pas de fille ici en Israël, pourquoi tu ne peux pas dire, puis descendez et cherchez-moi pour femme. La Bible déclare, disons cela, regardez cette expression-là, juge, mettez le doigt ici, on va y revenir là maintenant. Juge. Rentrez rapidement plutôt. Juge. N'oublions pas qu'on a un roi maintenant, chapitre 12. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Juge, rentrez plutôt, vous êtes un roi, rentrez plutôt par derrière, comme si vous allez à Genèse. Vous rentrez doucement seulement. Doucement. Vous allez traverser 2 Samuel, 1 Samuel, Ruth, et je vous ai rencontré Juge. Au chapitre 14, regardez. Juge, chapitre. Regardez, partie verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et cette femme-là, Dieu avait interdit, sous le deuxième exode, que vous ne prendrez pas de femmes dans leur truc. Le voici ici. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi conçus? Samson dit à son père, ah, prends-la moi, car elle me plaît. Verset 4, écoute-toi vraiment. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de ses frères. Vous comprenez, frère? Rentrons dans ce qui nous concerne. 1 Roi chapitre 12. Vous avez dit, vous allez lire votre Bible là. On avance là. Chapitre 12. Pourquoi vous riez, frère? Vous n'aimez pas la Bible? Donc, quand vous êtes ici sur la télé, vous dites, j'ai fait mon travail pour moi, vous m'amusez seulement. Vous êtes dans le film et vous ne pouvez pas échapper au script. Chapitre 12. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Écoutez très gentiment, c'est à l'intronisation que le problème de celui-ci va commencer. Et ça va pas commencer parce qu'il veut, parce qu'on a décidé de lui en causant dans le conseil. En effet, je veux vous parler du conseil de Dieu. Lorsqu'on se réunit et que les êtres humains sur la terre sont invités dans le conseil, Dieu donne les instructions sur qui doit être chef de l'État, comment on doit faire, comment on doit orienter les choses sur la terre, la politique à diriger sur la terre, quand ça se passe en haut. Et vous parlez de cela. En ce moment-là, si vos cheveux, ça pousse, ça veut, ça coupe. Roboam se rendit à Sichem. J'ai l'impression que quand vous lisez la Bible, bien, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous imaginez cela. Vous pensez que Dieu est en haut comme ça, les gens sont comme ça, ils ont d'autres choses, ils font au-delà. Ou les gens sont comme ça, ils disent qu'on attend que. Vous pensez que c'est ça, frère? Vous voyez comment le président se réunit en conseil des ministres ici? Ça se passe en haut comme ça. On se réunit, on discute des affaires de ce pays, de tel pays, de tel pays. On discute, on décide qui sera roi, on décide qui sera frère, on décide si la catastrophe que lui se fait de programmer dans tel endroit, il faut qu'on permette que ça arrive. Si on permet cela, si on cite à la décision, c'est oui. Priez sur la terre comme vous voulez. Il parle de la Bible, là, frère, et du programme de mon père. Amen. Et je vais vous expliquer un peu de ces choses-là deux fois dans la Bible. Il prend seulement un événement dans deux endroits de la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament. D'accord? Amen. Vous en souvenez. Joseph est en prison. Dieu donne le sommeil à quelqu'un, puis lui donne une révélation. Vache maigre, vache maigre. Vous vous souvenez de ça? Amen. Maïs gros, maïs maigre. Ça le trouble. Dieu fait que ça le trouble. Vache maigre, vache grasse. Maïs maigre, maïs gras. Qu'est-ce que maïs gras, maïs gras? Comment le maïs qui est gras? Tout avaler ceci. Le maïs mange, frère. quand regarde comme ça, il dit que c'est pas possible. La peste n'est pas simple. Il dit que où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Quelqu'un se souvient maintenant qu'il y a quelqu'un qui interprète les songes. On le fait venir. Je sens le faire brief rapidement pour qu'on rentre aussi. Il dit, tiens là, il dit, écoute, explique tes songes. Souvenez-vous pour Daniel. Souvent, ça n'a pas besoin d'expliquer. Il dit, tiens là, il dit, quel est ton songe? Il te donne l'interprétation. Vous devez savoir de qui est devant vous et qui celui-là c'est. Il se tourne là. Il dit, donc, explique ton songe. Pendant, écoutez très attentivement, mes chers amis, maintenant. Écoutez très attentivement. Je veux toute votre attention. Je vais commencer à vous dire ces choses. Si ça vous fait, les intestins bougent dedans, c'est votre problème. Écoutez-moi très attentivement. Pendant que Pharaon est en train d'expliquer, Joseph se trouve dans le conseil. Le prophète Joseph se trouve dans le conseil. Si vous lisez bien votre Bible, vous saurez que c'est comme ça. Il finit d'expliquer. Joseph ne ferme pas les yeux, vous pouvez dire, cha. Je sens la chair de poule. Non. Il ne peut pas ça. Si c'est tiens là, c'est qu'il déclare, c'est ce que le ciel déclare. Pour qu'il fasse ça, il faut qu'il soit là. Souvenez-vous, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il est prophète. Et s'il est prophète, il assiste au conseil. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil. Donc quand le conseil se réunit, s'il était là, il va entendre ce qui a été décidé au conseil. Frère. Amen. Vous voyez, il devait faire entendre les paroles de mon conseil. Parce qu'au conseil, qu'on décide là, article premier. Sont pour compter dans la date des présents jours nommés au poste sur la presse. Pharaon, tu es décrété à subir la peine capitale. Moïse savait cela. Il parle maintenant, ça c'est solide. C'est pour les prophètes. C'est les prophètes qui peuvent savoir ces choses-là. Les autres évangélistes, autres, là-bas. Apôtres et prophètes savent de quoi ils sont en train de parler. L'apôtre Paul en a parlé. Je connais un homme qui est là, 14 ans, fut ravi en esprit. C'était dans son corps, je ne sais pas si c'était aux encore. Et qu'il a entendu les paroles qui n'est pas permis. Vous entendez cela? C'est ça que l'apôtre Paul parle. Il a entendu les paroles. À cause de l'excellence des révélations. On lui donne le plan. Il s'est assis là au conseil. On dit Paul, tu as été déclaré choisi. Il a dit que par avec cette propre mot, il a dit que de ceux qui m'ont élu, moi qui étais fils de votre pécheur, afin que les générations suivantes puissent voir en moi la miséricorde de Dieu. Il a fait de moi prédicateur. Il dit, malheur à moi, c'est une annonce parce que l'évangile. Il dit, ce que je vous annonce, c'est par révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui, il a dit, les choses que tu as vues, c'est pourquoi j'ai t'apparu. Vous avez vu ça, frère? C'est tiens, là, on lui dit, ok, tu as été destiné, et Amen, il a même dit ça physiquement, que tu as été destiné de voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Dans le conseil, tu es invité. Tu as été choisi pour venir au conseil de Dieu. Je vous parle des puissants de notre siècle, des puissants des siècles à venir, là, maintenant, frère. De ces choses du royaume. De ces choses du royaume. Alors, lorsqu'il est invité, la Bible, il s'assoit, Jésus lui dit, voici les traits qu'il y avait sur le cœur depuis. Comme tu vois l'Ancien Testament comme ça, c'était l'ombre des choses. Il dit, ah bon frère, ah bon Seigneur, il dit oui. Telle chose voudrait dire telle chose dans les Écritures. Tu as suivi, il dit oui. Telle chose voudrait dire telle chose, ça signifiait telle chose. Tu as bien compris, il dit oui. Dis au peuple que j'avais mis cela dans un temps précis pour que maintenant ça soit révélé. Tu comprends? Vous avez dit qu'en les lisant, vous pouvez avoir les bribes de ce que de la connaissance que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'a pas été révélé autant comme il a été maintenant. C'est ce chose que mon grand frère parle. Assister au conseil. Donc, dans Jérémie chapitre 23, il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple pour les détourner de ses voies. On ne se lève pas le bout comme quoi. Quand les gens qui ne parlent pas de côté de Dieu, c'est pas de côté de Dieu qui va aller, c'est au conseil de Dieu. On n'envoie pas l'invitation là-bas, c'est lui qui t'invite dans sa présence. Donc Jésus se tient là-bas. Avant que Pharaon ne parle, il est au conseil. Qu'est-ce qu'on a décidé, ses frères, Seigneur? Il dit, Dieu, que c'est arrêté. C'est tout. Il dit, comme tu as vu cela, voici l'interprétation. Dieu appelle la famine sur la terre. Frère, on apprend ça en prison. Il y a un ministère en prison pour apprendre l'interprétation des songes. Comment il a fait, donc, frère? Il se tient là-bas, il dit que Dieu appelle. Dans ce songe-là, vous voyez la famine quelque part. Dieu appelle. Peine la famine sur la terre. Comme tu as vu cette bœuf ici, cette bœuf ici, on dit qu'il y aura d'abord 7 années d'abondance. Après cette 7 années d'abondance, la famine qui va venir, vous n'allez pas souvenir que vous avez une truc de bœuf sur la terre. Il dit, comme tu as vu ça répété deux fois, ça veut dire que c'est arrêté devant. Donc quand il a fini la réunion, il a dit que signé, arrêté. L'intercession de n'importe qui sur la terre ne fera rien. Il a fait la dépose d'abord. Vous allez subir la famine sur la terre. La question c'est, pourquoi Dieu décide subitement au ciel qu'il y aura la famine sur. Ça c'est un grand problème, pas vrai? Comment au ciel, eux ils mangent tranquillement là-bas. Ils n'ont pas de sécheresse ni quoi que ce soit là-bas. Ils disent chez nous, ici là que vous devez avoir faim sur la terre. Il dit même plus tard dans le livre de Job que que leur variation varie selon ses destins. Donc ils décident que cette année, s'il va faire chaud, ce sont les voir vos mamans sur la terre. Ils décident seulement comme ça que ça va chauffer sur la terre, ça chauffe. On dit que les neiges et la pluie, au-delà, obéissent à sa volonté. Ils veulent les faire varier selon ses destins. Donc s'il veut dire une inondation sur la terre, cette année, inondation. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite quelqu'un sur la terre qui vient accepter ce conseil. Dit à la terre, prêche aux êtres humains que attention, il y a une invasion qui a été venue. La question c'est pourquoi Dieu fait. Dans le Nouveau Testament, dont le prophète Agabé se tient aussi au milieu de l'assemblée, s'élève. Il annonce que par l'esprit, qu'il y aura une famine qui arrive. Pourquoi Dieu amène la famine sur. C'est pas, je ne sais pas le conseil. Donc, allons-y dans ce livre un roi. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner quelque chose dans le royaume. Quelque chose du royaume. J'arrive un de ces jours. Si Dieu permet que j'en parle de ces choses, je vous parler de conseil. Du conseil. Les présidents de conseil, c'est-à-dire ceux qui posent les réunions, qui introduisent les réunions, qui introduisent l'ordre du jour, qui lisent les sanctions. Il y a des sanctions sur la terre. On a sanctionné telle personne. Après, on appelle un prophète sur la terre qui vient. Dit que quelque chose va se passer sur la terre. On sanctionne. Que le jugement vient sur tel être. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar? Vous vous souvenez de son fils, le fils de Nebuchadnezzar? Quand il a pris la coupe, boit partout. La main est sortie et puis là, va peser, compter. C'est la décision du ciel. Quand Daniel rentre, il a regardé comme ça. Regarde qui va être décoré, mon ami, garde tes décorations pour toi. Que ton rôle ne passe pas. La nuit là-même, ça a été décidé, n'est-ce pas? Daniel, à un endroit où on peut apprendre les prophéties, frère. Aujourd'hui, on a l'école des prophètes. On croit qu'en fait, le Saint-Esprit viendra. Pour la délivrance aux êtres humains de temps moderne. Jéroboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Je vous parle encore de ces choses-ci. Il faut que je vous parle de ces choses-ci. C'est la seule des choses de la Bible qui vous parle. Avant d'avancer. Vous vous souvenez de un roi au chapitre 22, vous allez voir l'histoire de Acab, Josaphat, n'est-ce pas? Les 400 prophètes de ce côté-ci, et puis un prophète là, on l'appelle Miché. Allons-y là-bas. Il y a seulement vous faire que le miel vient sur votre cœur, frère. Nous sommes dans le pays où coule le lait et le miel. Chapitre 22. Quelqu'un veut se la tête. Non, moi je fais ce que Dieu veut, je m'en fous des yeux, t'en fous des yeux. N'insulte plus son nez, on va savoir que tu es trop fort. C'est que tu crées ton propre soleil. Ne bois plus, décide seulement de ne pas boire l'eau de Dieu. On y va. On resta, chapitre 1, chapitre 22, verset 1, je vais lire l'histoire rapidement. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit. Vous voyez maintenant qu'il y a cette histoire des deux rois-là qui se collaborent. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Vous avez vu maintenant que l'autre roi d'Israël est maintenant appelé Israël. C'est-à-dire qu'on commence à dire roi d'Israël. Pour vous dire tout ce qui fait le roi du royaume du Nord. D'accord? Roi Josaphat, roi de Juda. Vous avez vu comment on a dit une histoire. Juda, c'est les deux autres tribus, les tribus d'en bas. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Là, il a parfaitement raison, frère. Mais enfin, je vous fais suivre de ce qui s'est passé avec Jézabel dans le chapitre 17, chapitre 18, là-bas, et ce que le prophète Élie a parlé. C'est ces choses que je suis en train de vouloir vous amener. Les choses des conseils. Quand vous allez dans le conseil, quelque chose a été décidé. Un prophète dit quelque chose sur la terre. Quand un autre prophète va venir plus tard, quand il vient au conseil, le même prophète lui dit la même chose que j'ai dit sur la terre, que c'était comme ça. Ça ne peut pas changer. Avançons ici. Le roi d'Israël. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. C'est ce cas. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme ton cheveu. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc, avant d'avancer, il faut demander ce que Dieu dit. Celui-ci, en haut, le roi, et vous allez voir dans la progression, si vous lisez bien. Vous allez voir que, généralement, dans le royaume du Sud, on respectait Dieu. On honorait Dieu, on cherchait la volonté de Dieu. Là-bas en haut, on faisait comme on voulait. Là-bas, Dieu, ça va énerver le roi d'Israël. Il dit, on a déjà l'armée, on a fait. Si j'ai eu l'école de prophètes ici, il y a 400 prophètes ici-là. Chaque année, ils sont avec les graduations. Ils ont tout dit. Enfin, disons ici, c'est pas moi qui dis, frère. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ. Vous avez vu l'espoir. Donc, c'est pour dire que c'est pour les prophètes, j'en ai. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, mon, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Combien de personnes parlent, frère? Verset 7. Mais Joseph a dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Citez-vous aujourd'hui. On vous donne une prophétie. 5 personnes disent non, il dit 5 personnes, on a dit ça, vous pensez que c'est suffisant. Vous devez savoir que la majorité n'est pas toujours vraie pour Dieu. Malgré qu'on cite le nom de Dieu, souvenez-vous, si c'était nous aujourd'hui, le fait que 400 prophètes bien raffinés, Dieu parle ainsi, parle l'Éternel. 400 prophètes disent la même chose, c'est un profondeur, franchement. Il faut que je fasse au moins attention. Si 400 serviteurs de Dieu, on dit la même chose. Ici, c'est 400 frères. Trois fois, vous dites des choses, vous courez derrière. N'est-ce pas? Faites attention. Je crois que la Bible doit nous donner cette instruction à elle. Maintenant, verset 8. Vous savez que Josaphat, ça, quelque chose à Josaphat dit que ceci est faux. Là, on a le besoin de signifier que c'est ce qu'il disait était faux dès l'entrée. Là, parce que normalement, si c'était des prophètes authentiques de Dieu, s'il dit quelque chose selon l'ordre de Dieu, il n'y aurait plus de doute. Il devait seulement avancer. Parce qu'il a dit que consultons la parole de l'Éternel. 400 personnes disent. Il faut encore qu'il n'y ait plus personne. Il faut dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit là, parce que quelque chose semble faux. Dieu les fonctionne, barre comme ça. Ils sont tellement raffinés que tu comprends que les gars sont entendus. Ils sont allés à l'école et ils ont dit que quand tel père, quand celui le maître qui a envoyé, le bon esprit tombe sur les gens. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hé! Hé! Je te vois rompre le joug maintenant sur vous. Oh! Je vous aime, Jérusalem, Jérusalem, je vous aime, purifiez-vous. Je suis avec vous, je suis, tu parles. Le roi d'Israël, verset 8, répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. Un, deux, trois, disons ensemble. Oui. Oui. Donc, il savait qu'il y avait quelqu'un, mais il ne donnait pas la parole de celui-là, parce que quand celui-là sort, il n'a pas qu'à dire. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui va venir là, c'est là contre ce qu'il veut. Donc, mieux il entend, ou un être humain, n'est-ce pas? Ça veut dire que même si c'est qu'il allait mourir, il aimerait que quelqu'un dise que tu ne mourras pas. Il dit qu'il est prophète, parce que ceux qui ont dit mort, et celui qui là parle, ça sera, ne monte pas. Mais comment quelqu'un peut aimer, je ne sais pas comment l'être humain, vous-même voyez, tirer les conclusions qui peuvent s'imposer. Il dit, il y a une part qu'on peut consulter là, il dit même la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que l'Éternel peut venir là-bas. Donc, il comprenait que si la parole vient, ça vient par Miché. C'est méchant pour toi. Quand ça sort, ça parle. Ouais, il n'y a pas la révélation que celui-là parle par un autre esprit. Il pensait que quand Dieu parle par Miché, Miché c'est le même Dieu qui transmet même mal le message. Mais celui-là dit ça bien. Il m'a regardé bien, il dit, je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. C'est-à-dire que pasteur, dis-nous que je vais réussir. Et la Bible déclare qu'au dernier temps, les prophètes vont venir comme ça pour les prophétiser. Donc les gens comme les Akab, comme ça, seront là sur la terre, ils vont dire, oh! Tu vas réussir, dit Amen. Mais tes finances, signe un protocole d'accord, donne-lui 5 millions. C'est pour ça qu'ils peuvent être proches de la présence, pour qu'ils entrent sans malaise, ils soient avec malaise. Tu vois que c'est la Bible qu'on lui a offert, alors que c'est le billet. Maintenant, on dit, c'est Michel, fils d'Injim là. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous avez cela? Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michel, fils d'Injim là. Donc, on dit que dans le rassemblement des faux prophètes, il n'était pas le parmi. N'est-ce pas, frère? Dans cette école-là, il n'était pas parmi, il était seul dans son coin. Parce qu'il avait refusé de participer à la mission de la sorcellerie réunie sous Akab, n'est-ce pas? Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Attends, il me lève, je vous montre. Quand les gars étaient assis sur le trône, les deux sont assis. Josaphat, Josaphat, quoi? Josaphat, Josaphat, le grand roi, quand comme ça, à quand le ministre des Finances donne l'argent, les prophètes sont encore, tu parles de Seigneur, tu veux les sujets de Dieu, c'est une grande lame, quelqu'un te touche, a touché le premier de mes yeux, ainsi parle le Seigneur, qui est en décision de me sentir, mais moi qui me demande, comment frère, vie éternellement, au roi, que quelqu'un t'entende, même un cheveu blanc ne sortira pas, même quand il a les cheveux blancs sur la barbe, on était devant lui, il prophétisait. On n'a pas dit qu'il prophétisait, parce que vous savez, les prophéties, il y a les chansons. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est ça. On chante des chansons, c'est les prophéties. D'accord? Vous avez lu ça, n'est-ce pas, frère? Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous dites voilà comme ça, ou oui, comme ça, pour me faire que continuer sur les choses. Je n'ai pas quoi dire, mais vous dites seulement oui. Après, vous les questions, personne ne répond. Maintenant, on dit, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 11. Sédécia, fils de Kenan, s'était fait des cornes de fer. Vous avez vu? Donc, les gars appellent les trucs de l'ancien prophétique, comme les gens sont obligés avec les bagues. L'autre dit que la bague, si. Voilà. Il y a c'est incrusté le cristaux qui était sur le chevet de Jésus, même quand lui, on ne voit pas cela. L'autre dit que l'huile d'ancien, si. L'huile d'olive, si. La racine de l'huile d'olive, si son origine sur le mont des oliviers, où Jésus avait prié la dernière prière, parce que ces gouttes vieilles sont tombées là. Les gens qui allaient dans l'huile d'olive, si. Les gens disent, ah, un prophète, il dit oui, donne-moi cette huile-là. Oui, c'est l'état de Kenan a fait faire des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Pose la question, il peut vous dire oui ou non? Que c'était le nom de Dieu, oui ou non? Oui. Dieu n'était même pas passé par eux-mêmes à 10 km. Et tous les prophètes prophétisaient des mêmes en disant, monte à Rama en Galate, tu auras du succès. L'Éternel le livrera entre les mains du roi. Et quand il dit comme ça, on sort de l'argent, non? Le messager qui était allé après appeler Michel, lui, parla ainsi. Écoute, mon cher ami, on sait que tu n'es pas dans cette école de théologie-là. C'est là, lis là-bas, j'en ai expliqué ma part. Il entend la voix qui parle là-bas, donc lis ce qui est là-bas. Écoute, il y a un grand rassemblement là-bas. Et c'est quand les rois se réunissent comme ça, c'est l'occasion pour prouver au roi qu'on l'aime. On ne dit pas des choses méchantes au roi. Parce que c'est un roi, il peut décider de ta vie ou de ta mort. Mais ici, il a promis les Mercedes derniers que à chaque personne qui possède le bien. Quel prophète c'est ça? Tu le connais, non? Oui, sa maison est quelque part. Tu sais, sa mère était dans le carabote. Il lui a construit. Regarde ce qu'il a fait. Il a profité à un roi. La gloire de Dieu dans son ministère. Regarde, bon, si tu ne fais que manger des pruniers, tu manges ici, on ne sait même pas où tu sors. Regarde, toi, tu as le bureau bien. Porte de ma bouche. Si on est lit là-bas, frère. Après, il marche à rue, il dit ok, ce qu'on va arriver là-bas, ne dis pas autre chose que tout ce qu'il dit. Dis ce que le prophète dit. Tu es prophète, il dit oui. Ils sont prophètes, il dit oui. Prophétise les mêmes choses. Tu as compris, non? Il dit oui. On va te donner la voiture, d'accord? Oui. Continue à lecture quand il marche, frère. Le messager qui était allé appeler Michel du Palais, c'est voici les prophètes d'un commun accord. Vous allez me tuer sur la tête. D'un commun accord, prophétie du bien au roi. Donc pour eux, la prophétie, c'est le camp du bien. D'accord, frère? Que la parole, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Vous voyez ça, frère? Que Dieu ne. Gardez-vous ceci. Si Dieu vous a dit de dire quelque chose, dites à cette manière-là. Même ça ne semble pas être bon dans le cœur humain. Ça va les faire du bien dans leur âme. Leur chair ne doit pas se porter, mais ça fait du bien à celui qui est à l'intérieur. D'accord? Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je veux que vous regardiez le temps que Michel dit. C'est là que vous avez. Je suis en train de parler de la spontanéité de l'entrée. Regardez ici. Il a dû parler avec celui-ci en marchant pour aller vers la réunion. D'accord, frère? Puis, cet homme-là, c'est le quorum, il lui dit, l'Éternel est vivant. Je dirais, c'est que l'Éternel... Non. Donc, quand Dieu va dire, je vais... Parce que Dieu m'a dit. C'est que Dieu va me... C'est ça que je vais... Écoute, continuons. Non? Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, c'est une comme ça. Il ne le guette même pas parce que lui ne le guette pas, il sait que son visage est devant sa voix, il guette son âme. Michel, on part à Garwalat, à Ramangala, ou on ne part pas? Oui ou non? Oui ou non? Il guette pas là-bas. Le gars dit oui, pas. Il s'est tourné. Depuis quand tu parles la même chose que ceci? Tu es entré dans le ministère, vivant. Verset 15, le roi lui dit, combien, non, verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramon en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Il tenait la livre entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire la vérité au nom de l'Éternel? La plupart des mêmes choses que le roi ont dit, les prophètes ont dit. Donc il savait lui-même que ceux-ci manquaient, frère. C'est pas ça, hein? Non, non, il savait que les prophètes là manquaient. Et voici ce que Michel a dit aussi du bien. Il dit, comment il faut que tu te dis que tu me dis seulement la vérité au nom de. Et là, il va dire cette vérité, là, il va dire que vous avez vu, non? Je recommence encore. Ça va être oui ou non que le prophète l'a menté. Parce que s'il faisait comme ça là, il pouvait tout simplement se tourner vers son collègue pour dire où tu as vu. Celui-même que tu cherchais là, dit la même chose que ceci. Montant à Ramon. Mais il savait que lui-même que Michel, si tous les prophètes qui donnent quand sur les deux prophètes, ça passe seul. Continuons. Verset 17. Michel répondit. je vois tout Israël. Où est effectivement qu'il a voulu faire comme ils ont dit. Quand, quand Michel dit comme ça, ok, montez. Il voit son, son ministre que ce n'est pas la vérité qu'il a dit. Maintenant, quand il dit, maintenant, pour deux sites, combien de fois tu t'es déjà dit que tu dis seulement la vérité au nom de l'Éternel. Il dit, tu veux la vérité, hein? Ok, voici la vérité. Michel répondit, je vois. Il ne dit pas, j'ai vu. Je vois. Et, il est la frère. Il marche tout à l'heure, il a dit que je dirais ce que Dieu m'a dit. Il se tient là-bas. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Voilà le sommet. Il n'a pas encore dit, écoutez très attentivement quand les prophètes parlent. Ici, il n'a pas donné le contenu, mais si constant. Il a dit, je vois, ce qu'il regarde. C'est pour ça que les prophètes, quand ils parlent, ils peuvent dire quelque chose, mais il y a le développement tout autour. C'est un peu comme lorsque je parlais des messages sur le Cameroun et Israël. Le Cameroun, le mur de lamentation est tombé en Israël. J'ai dit que j'ai vu un jeune garçon qui s'était là-bas. Et c'est pour la parole que vous êtes venu que réjouis-toi ici, Jacob, parce que le Seigneur te rachète. Mais j'ai regardé dans la vision, j'ai vu que l'ONU était présent. Mais je n'ai pas parlé de l'ONU nulle part, parce que si je parle de l'ONU, la guerre va déclencher ici l'endroit. Il y a quelque chose qui concerne l'ONU. J'ai absorbé exprès. Vous voyez, le message pour le président venu du Cameroun, quand il dit, le Seigneur te commande d'appeler le jeûne et la repentance. Je commande. Il y a sinon le volet que j'ai avalé. Vous voyez, il y a sinon. Sinon, la nouvelle. Regardez ici là maintenant. Donc, Michel finit de dire, regarde, le roi, verset 19, 18 maintenant. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te lèche pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Tu vois ça, frère? Donc, il n'est pas censé de prophétie. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Et il vient de dire, il fait toujours dire que, dis-moi toujours ce que Dieu dit. Je ne dis pas le mensonge. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te lèche pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute la main des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Quelqu'un dit le conseil des cieux. Donc Michée lui dit donc ce qui s'est passé. Il donne les détails, il dit qu'il a vu. Donc, il a été appelé au conseil. On prenait la décision. Donc, pendant que la réunion entre Josaphat et Akab s'est passée sur la terre, avec les prophètes autres là-bas, une autre réunion s'est passée dans le ciel. On décide maintenant, ok, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans le ciel, tous les anges se tiennent là-bas, chacun s'assoit à sa place, on s'assoit. On dit oui. Élie, my lord, qu'est-ce que tu avais dit sur la terre? Que Akab devait être tué là-bas, à Jézabel, on doit lécher son sang de ce côté-ci. Oui, le moment est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on organise quelque chose. Si, qui est sur la terre maintenant pour le moment? C'est sur qui? Il dit, c'est Michel. Michel, viens! Il monte, il se tient là devant Élie, Jean-Baptiste et tous les autres qui seront là plus tard. Ouais. Ça fait choquer. N'essaye même pas de dormir là. Tu veux d'ailleurs monter le conseil? Il tient là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, le moment est arrivé. Dis-lui que ça, qu'il monte. Fais-le monter. D'accord, frère? Mais écoutez vraiment verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute la main des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vous avez vu le conseil des cieux, n'est-ce pas, frère? Et l'Éternel dit, qui séduira à Cap pour qu'il monte à Ramon en Galate et qu'il périsse? Donc le moment de l'accomplissement de ce que notre prophète avait dit est arrivé. Il faut que quelque chose se passe pour que ça se réalise. Les décisions qui se passent sur la terre sont décidés en haut dans les cieux. Rien de ce qu'il ne peut exister. La Bible déclare la lamentation, arrive-t-il quelque chose de mauvais dans une vie sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, pas n'importe qui. Aujourd'hui, vous voyez, quelqu'un dit que « I am the pastor of the Redeemed Christian Church ». I am the pastor. À la fin de l'année, il prend la Bible et tient là-bas. « I want to give the prophets of this life ». C'est faux. Même si tu dis n'importe quoi, c'est faux. La parole vient au prophète, pas au pasteur. Il dit, il y avait le pasteur. On va s'y adresser. This is the word of God of this year. Où m'amuser seulement. Chaque année, Dieu donne pour les conventions. Il dit que Dieu va passer le thème de votre convention. Dieu s'amuse aussi pour votre convention sur la terre. Voici pour notre anniversaire. Dieu dit que lève-toi et brille. Il a déjà dit ça à Isaïe. Ce n'est pas le père dont il parlait. Comment vous suivez, frère? ou le mensonge qui parle au nom de l'Éternel. Donc voici le thème de l'année. Voici l'année des fruits du fond. Le même Dieu parle dans un même pays comme le Nigeria. C'est donc que tu es dans Pasteur Christ, que l'année de la gloire. Nous disons que c'est l'année des rachetés. Nous disons que c'est l'année de l'homme. Il y a plusieurs années dans la même année pour des personnes différentes. Quelque chose ne va pas, vrai frère. Et vous ne comprenez pas que ce sont les ennemis des Akab, des Michés ici. Continuons seulement ici là. Et l'Éternel dit, qui séduira, nous sommes verset 20, pour qu'il monte à Ramoth en Galat et qu'il y pèse. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc il dit au ciel, ça s'est discuté. Quand il était assis, il y a eu la réunion, après il y aura la délibération. Quand il dit quoi, Michael? Moi, il propose qu'on tape sa tête là, il est trop tristé sur la terre. L'autre personne dit, le gars là, vous ne connaissez pas bien, quand il décide ce qu'il va faire, il va se commenter, mais vous dites n'importe quoi. L'autre dit, on dit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ça s'est passé et Dieu était sur le truc pour entendre ce qu'il veut. On dit, la décision. Oui, Dieu fait ces choses, frère. Là, vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le cri venu à ces peuples, ce qui a venu jusqu'à moi. Les décisions sont dignes, là-bas, dit que frère, Seigneur, ces peuples se détruisent devant la terre, ils couronnent la terre. Et qu'est-ce que nous décidons qu'on fasse? Oui. Le conseil, c'est l'univers, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Bon, on va descendre là-bas, on va aller sur le pour voir vraiment de nous proposer, d'accord? Oui. Toi. Les hommes, s'ils descendent, on descend. Et s'ils descendent, alors, bah, attends. N'est-ce pas? J'avais dit qu'il ne pas faire n'importe quoi sans le bras sur le terre. Par contre, Abraham, il est toujours à côté, là, allons le visiter. Je parle des choses de notre royaume. Si ce n'est pas de votre royaume, c'est votre problème. Est-ce qu'on n'est pas ces choses d'édition? Les 10 qui passent ici déjà. D'accord, frère? Maintenant, continuons, verset 21. Et l'un, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Il dit, hein, ces garçons sont des Michel, il est sur la terre ou bien il est sur frère. Il lui raconte des choses qui se passent dans le ciel comme s'il vivait par là-bas. Il y a un regard comme ça, il dit ce qui s'est passé, c'est le conseil s'est réuni, il a entendu telle personne dire telle chose, telle personne dit telle chose, telle personne dit telle chose. Il a finalement un autre esprit qui est sorti. Et puis il a dit que moi, je le séduirai. L'Éternel dit, Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, ce sont les prophètes d'Aka. L'Éternel dit, tu es trop fort, mon gars. Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors. Traite-le. Donc, ces gens avaient effectivement l'onction d'un esprit. C'est un esprit démoniaque. Donc, quand les pasteurs prophétisent, ils partent par un esprit. Vous entendez ça, frère? Amen. Écoutez ce verset. Puis dans verset 23, ce qui est fâcheux. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Donc, ils ne cachent pas ce mot. Les voilà. C'est l'esprit du mensonge. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, à l'issue de la délibération de la réunion, c'était quoi? Alors, tes deux fils de Kenan, s'étant approché, frappa Miché sur la genade. Et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Il dit, est-ce que tu racontes comme bêtise là? On t'a dit, dans mon école, l'esprit de la genade, et ils ont l'esprit. Il a l'esprit sur lui. Il est sur, c'est pour ça qu'il parlait frapper celui-ci. Parce que remarquez très bien, Michel révèle qu'un esprit est venu sur eux. Donc il recevait effectivement l'onction. Il était sous une onction. Il dit, mais l'onction qui est sortie chez moi là, c'est venu sur moi venir. S'il y a des gens sur qui l'onction doit venir sur toi, je suis le grand fondateur de cette école-ci. Si il se prononce comme ça, si c'est dit, ça se prononce comme ça, ça pense qu'il est le grand des grands. Le voilà, il est dans le mensonge. Mais il ne savait pas. Faites attention au diable. Michel répondit. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. C'est ça qui vous dit que les prophètes, il faut faire attention avec eux. Lorsqu'il a raconté à Cap ce qui s'est passé, ce n'est pas la seule prophétie qu'il a vue. Il a vu tout le déroulement de la décision du conseil, de ce qui va se passer, qu'il va venir annoncer. Après, quand ils vont monter, ce qui va arriver, les éléments futurs, et chaque personne qui entre dans leur maison, ils ont tous vu, tous, sans exception. Mais il n'a pas dit qu'on devait le gifler. Quand on devait le gifler, ta, c'est là notre vision a réuni, donc il comprend maintenant. Donc c'est ça qui a causé le fait que celui-ci, quand c'était fort, il entrait les chambres, en chambre, je savais où il va cacher. C'est ça qu'il a fait, ta, il a commencé à la vision, encore une fois, ok, je comprends maintenant la prophétie ici. Comme tu m'as giflé là, tu vas aller de chambre en chambre, tu vas voir, le jour, tu vas te souvenir que l'esprit là était vraiment sur moi. Michel répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Miché et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. il continue sa prophétie, verset 28. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Amen. Ça, c'est un prophète de Dieu. Devant les gens, il crache la vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que notre prophète dit? On relativise. Donc, il faut quand même relativiser. Dieu n'est pas quand même un tyran. Il ne tient pas trop grand d'ignorance. On essaie de prendre ce que fait que c'est biblique. Parce que Ramon Angala, normalement, appartenait à Israël. Les Philistins étaient un peuple déchu devant Dieu. Ils avaient saisi Ramon Angala, le territoire qui devait venir à Israël. Tout ça était normal. Mais question, est-ce le temps de Dieu d'y aller? Toi qui pars pour aller combattre, es-tu en conformité avec Dieu? Dieu t'a-t-il envoyé? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc tu peux dire des choses de Dieu, frère, mais tu es chez le diable. Tu es sous l'emprise du diable. Suivez ça, frère. Regardez ici. Mais regardez que la prison est destinée à protéger Michel sur la guerre qui vient. Donc, vous le protégez, vous devez le peur. Quand vous allez commencer à fuir, vous n'avez jamais entendu la fuite. Lui, il est caché quelque part. Donc, vous traitez. Donc, vous l'aidez à se cacher. Pas vrai, frère? Vous savez que lorsqu'il y a guerre, les gens les plus protégés sont les prisonniers. Ceux qui sont maintenant à l'aise. Parce qu'ils sont au moins dans un mur où il y a les gens qui les protègent en armes. C'est toi, ils sont en fait, bam, pas chez où tu as te caché, non? À tout moment, quelqu'un peut entrer, n'est-ce pas, frère? Donc, il y a un moment où c'est bon d'être prisonnier. C'est le bon moment. On avance. Donc, en clair, Michel est accepté au conseil de Dieu. Tu as suivi les décisions. Dans notre siècle, si on n'entend pas la voix de Dieu, c'est difficile de faire comprendre ces choses aux gens. Et c'est même pas destiné à faire comprendre aux gens. Mais vous avez compris certaines briques aujourd'hui. Chapitre 12. Rappelons ce qui nous concerne. Et ne vous garde pas pour longtemps. Il vous raconte seulement l'histoire du royaume. Du royaume dont nous faisons partie. Souvenez-vous de Jérémie 23. Méditez-en. Méditez Jérémie 23 pour les faux prophètes, surtout ceux qui prophétisent là hier. Regardez ce que Dieu dit là-bas des prophètes, d'accord? Jérémie 23, méditez-en. Méditez-en. Verset 3 maintenant, le chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, lorsque Jérémie, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. Donc, Salomon est mort. Puis c'est Salomon qui cherchait sa mort, n'est-ce pas? On l'envoya appeler. Alors, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à... regardez bien, verset 3. On l'envoya appeler. Alors, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Rehoboam et lui parlait ainsi. Normalement, c'est un Israélien. Quand Dieu l'a protégé, il allait sous Pharaon. Il est rentré dans son pays. Comme il était au service du roi, il est encore rentré sous le père, sous le fils dont le roi qui l'a chassé était son père. Il vient là-bas, il est venu avec le groupe, on vient vers lui. 4. Ton père rendit notre joug dur, toi maintenant, allège cette vieille de servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Dans notre époque moderne, vous voyez par exemple, sous le régime par exemple, de Paul Biya, il y a des gens qui sont en exil pour cause politique. On dit donc, par exemple que s'il avait que son fils qui soit pour vous pouvoir, son fils vient, d'autres rentrent au pays. Je sens d'expliquer un peu le venant qui est ici. Il rentre au pays et dit, ok, quand ton père est au pouvoir, il a fait comme ça maintenant, lève ces choses-là qui sont contre, ces sentences qui sont contre. Nous, ils ont dit, ok, attendez, ils vous disent qu'il en est. Verset 5. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Rehoboam consulta les vieillards qui étaient auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui. Souvenez-vous, nous avons lu aujourd'hui Juges chapitre 14, verset 4, où il a dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. J'arrive, juste en voulant parler d'un thème qu'on va développer pendant plusieurs séances. C'est la Bible. On va plus, on ne va pas finir ce qu'on a terminé, vous le dit. Verset 7. Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds pas des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Vous avez vu cela? Ça, c'est le meilleur des conseils qu'ils puissent avoir. Mais, Rehoboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il a dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avait grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nu. Tu les parleras ainsi. Mon père, mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Donc voilà la parabole des jeunes. Maintenant, mon Père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Tu dis comme ça au peuple qui va travailler pour toi pour te nourrir. Souvenez-vous de Deutéronome chapitre 17, par rapport au roi, et dans 1 roi chapitre 7 et 8, et 1 Samuel chapitre 7 et 8, par rapport à tous les droits des rois. Vous y êtes, verset 12, Jéroboam, et tout le peuple vint à Roboam le troisième jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans trois jours. Le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon Père a rendu votre jour pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon Père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Madame, tu vas prendre de l'eau à la cuisine, tu bois. Vas-y. Ça te fait du bien, d'accord? Regardez, verset 15. Ainsi, écoutez ça, verset 15. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Satan. Comment? En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nebat. Vous avez vu? Donc, comme Dieu avait dit qu'il va prendre le Dieu, on lui donner. Il fallait qu'il y ait une occasion que Dieu va faire pour que ça soit le déclencheur, pour que ce royaume-là puisse être. En clair, qu'est-ce que nous avons ici? Normalement, écoutez très attentivement. Quand un roi est entouré par des serviteurs qui lui conseillent, comme vous entendez par exemple, conseiller à la présidence, lorsque tu es sous l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu vient sur toi, l'esprit de conseil vient sur toi, pour que quand il y a une situation qui pose problème au roi, parce que Dieu va lui donner tout ça, c'est que sa tête va exploser. Il faut que quelqu'un lui dise quelque chose pour le diriger. Et les hommes qui étaient là, le vieillard qui était tout autour de Salomon, ce sont eux qui ont raison. La sagesse de Salomon, il ne l'incarnait pas ça seul. Il va être dispatché de part et d'autre là-bas. Donc lorsqu'il y a une décision à prendre, quand il prend, il veut demander les conseils. Donc le vieillard avait dit exactement ce qu'il en est. Il suffisait pour qu'il vous dise maintenant que vous tous qui avez des problèmes avec mon père, vous êtes graciés. Je fasse grâce à tout le monde, si vous avez des dettes contre lui, n'importe quoi, que tout soit arrangé. Tout le monde dit que vive le roi Roboam, pas vrai frère? Mais Dieu a fermé son cœur, fermé le cœur du peuple, fermé le cœur de celui-ci. Regardons bien. On dit que cela fut dirigé d'après par l'Éternel en vue de l'accomplissement de l'Éternel, de la parole que l'Éternel avait donnée par Akila. C'est pas ça, hein? Akila le prophète. Maintenant, regardez, verset 16. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pouvoir à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans cette tente, que toi-même, tu vas chercher maintenant tes dîmes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était proposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Il mourut et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Le gars a dit que les impôts, il dit impôts quoi? Tu travailles ici, bam, bam, bam, quand le gars il a compris que c'est fort à Israël. Là maintenant il a compris que c'est comme ça. Verset 19, c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ces jours. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoya appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. On apprend que Jéroboam est venu. Personne ne convoque la position pour aller faire la compétition. Parce qu'on ne devient pas roi comme ça. Si des doigts naissent, on dit Jéroboam. On dit tout Israël, pas maintenant que Jéroboam, tu es devenu, sois notre roi. Vous voyez ça, frère? Oui. Mais le problème, c'est que ces Jéroboam avaient été rencontrés par un prophète dès le départ, on leur a donné l'onction de ces royaumes. Personne, on a dit clairement là-bas que personne n'était deux dans le champ, n'est-ce pas? Mm-hmm. On a dit cela, il était tranquille, au moment de l'accomplissement est venu. A-t-il forcé quelque chose? Mm-hmm. Vous voyez ces choses-ci. Verset 21. Roboam arriva à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de ramener sous sa domination de Roboam. Fils de Salomon, vous avez vu? Maintenant, écoutez ce que Dieu va encore faire. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car ce n'est pas moi que cette chose est arrivée. Ils obéissent à la parole de l'Éternel. Amen. Vous voyez, mais comment les gars sont petits comme ça? Pourquoi on va chercher les prophètes? Un prophète sort pour dire que non, c'est moi qui crée le disant. Hein, frère? Amen. Oui, il dit, Dieu n'a pas un Dieu de désordre, mais de paix. Qu'est-ce qu'il fait ici, frère? Vous allez voir tous ces quartz toujours dans la Bible. N'est-ce pas, frère? On continue. Verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et y demeura. Puis il en sortit et bâtit Peniel. Écoutez, frère, voici là où les décadences de ces garçons commencent. Verset 26. Jéroboam dit à son cœur. Il dit dans son le roi pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, regardez bien, le roi fit deux veaux d'or. Vous avez vu ça, frère? Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Voici dans les styles de péché qui font effacer le nom de la Bible. Voilà ça. Vous avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Voilà ça. Voilà, voilà dans ça. C'est terrible. Il y a de quoi rester tranquille là maintenant, vraiment. Voici quelqu'un à qui on a dit. Israël n'a pas suivi, mais comme on a vu au verset président là-bas, qu'Israël n'a pas suivi, mais voilà, ils ont servi Dieu, le Dieu qui mange de l'abomination des Sidoniens, des Moabs, ainsi de suite. On lui a dit ça, non? On a dit, c'est à cause de ces choses-ci qu'on va dire le royaume, on va t'en donner, dis pas. Et on lui donne l'ordre, si tu obéis, si tu restes dans le commandement, tu fais ceci, il va faire perdurer ton royaume. Regardez ce qu'il dit, après quelques années seulement. Il dit, mais le cœur de ces peuples, c'est juste aller à savoir son Seigneur. C'est le cœur, c'est lui qui a choisi le cœur pour que les gens puissent venir à lui. Ouais. Continuons seulement. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Écoutez, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Donc il a fait une autre sacrificature. Il a écrit sa propre loi. Israël, donc la personne qui t'a fait sortir de l'Église, c'est ce que Moïse avait détruit avant d'aller ensemble. C'est lui en réalité. Vous voyez que l'esprit pouvait détruire les objets, c'est vous ne pouvez pas détruire l'esprit, n'est-ce pas? Même chose. Et là, il y a une chaise maintenant, c'est qu'on a. Nous sommes là au chapitre 12 aussi. Remarquons qu'on est allé au chapitre 22 pour lire l'histoire des prophètes d'Akab et des autres. Vous allez poser la question, comment se sont devenus prophètes? Qui les a appelés au ministère? Ils ont créé leur école, pas commencé là-bas. Voilà où tout a commencé. En fait, même si vous rentrez encore, nous sommes un roi. Vous rentrez dans le juge qu'on a lu aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'il y avait un monsieur qui avait son petit Dieu. Il a commencé à chercher les gens. Il dit que tu es quelqu'un qui dit Benjamin. Il dit viens, c'est soit ça le café. Il dit non. On dit que quand il n'y a pas encore de roi, c'est juste en Israël. Chacun faisait comme il voulait. Donc tu te décides comme ça que la télévision, c'est un mon Dieu. Tu dis télévision. Oh, sauve-moi. Oh, oh. Chacun faisait comme il voulait. Ici, celui-ci fait donc les veaux d'or. Il place l'autre à Bethel, l'autre à Dan. Puis il dit maintenant que désormais, voici ton Dieu. Et là, maintenant, il se crée des sacrificateurs. C'est quelle tribu? C'est les Zabulons. Entre les dix. Là, ta tête est comme pour Eliezer. Donc, on dit que tu es sacrificateur. Vous voyez? Et vous êtes surpris que quand l'apôtre Paul va venir, il sera sacrificateur. Sous les. Vous appelez? Enseigner la doctrine des pères. Vous voyez là où la période a commencé, n'est-ce pas? Là, il est dans cette étape. Vous pouvez voir ces choses-ci et prêcher dans la nature. Vous demandez que. Quoi? Tu sais pas comment vous devez passer? Il dit, ta tête n'était pas. J'ai le diplôme, le diplôme là-bas. Reconnu internationalement dans le même ministre. C'est un ministère américain par un grand homme de dit some right, some sorry, some right. Celui-ci, c'est all right, celui-ci, le docteur interne, si tu parles de cela. Et pour la porte de poste, c'était où là, frère? La porte de poste, ton diplôme, tu l'avais signé. Alors, maintenant, regardez ici. Alors, vous voyez effectivement que l'être humain a des problèmes. Je réponds à la question de celui-ci, il dit comment tu fais que Dieu veut frapper le peuple? Parce que le peuple a participé. Le roi a fait pécher le peuple. On a vu qu'il a placé Adam. Les gens qui devaient aller adorer maintenant une autre création. Ils devaient savoir que ce n'est pas un veau. Israël est assez sage pour savoir que ce n'est pas un veau qui leur a fait sortir d'Égypte parce que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Il habite dans les cieux, parce que ce n'est pas une caverne. Et il leur avait donné des commandements spécifiques qui devaient s'en charger à faire répercuter ça dans les générations futures. Deutéronome chapitre 4, il leur a dit, prenez garde attentivement lorsque vous allez dans le pays, veillez attentivement sur vos âmes de peur de vous détourner. Parce que vous n'avez pas vu des figures le jour où l'Éternel vous a apparu à Horeb. N'est-ce pas? Prenez garde sur votre âme de peur que vous ne vous souillez point et que vous ne vous corrompiez en vous faisant une image de représentant quelqu'un de quelque chose que ce soit figure d'un homme, d'une femme, des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre, ainsi de suite. Dieu leur avait interdit cela. Et tout Israël connaissait cela, sans exception. Mais regarde ce qu'il fait. Le plus grave, c'est que ce prophète vient de parler comme ça, il tient une conception. Le prophète qu'il avait appelé au ministère était dans le pays. Ça doit vous faire réfléchir. Il était dans le pays. Et là, tu as donné cet événement non-là où le prophète était déjà vieux, avancé dans ce qu'il ne voyait plus. Enfin, son œil physique ne voyait pas, mais il voyait toujours. Quand il a, l'enfant est tombé malade, il a commencé à dire, il a dit à sa femme que tu parles. Habille-toi différemment. Et quoi, en changeant, en faisant le maquillage, en mettant le masque, ne pas voir. Avant qu'elle mette le pied sur la chaise, dit que femme de Jérôme, pourquoi tu te démasques? Elle a dit, mais le type, si on peut rien lui cacher. Assieds-toi. Donc, le fils va mourir. Dieu bénisse. Donc, faisons attention à Dieu, au fonctionnement avec Dieu. Autre question. Oui. Apocalypse 3. Ça fait quoi, mon frère? Je n'arrive pas à... Lisez la Bible. Désirez la présence du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous expliquer. Il vous expliquera tout. D'accord, frère? Mm-hmm. Continuons. À partir du verset 1. Oui. Quand je lis là juste à un niveau, je ne comprends pas ce qui se passe. Du chapitre 1 au chapitre 2, tu comprends d'abord. Hein, frère? Non, pas parfaitement. Tu comprends au moins le chapitre 1 et chapitre 2 d'abord. Le verset 3 du chapitre 1 dit quoi, frère? Chapitre 3. Le verset 3 du chapitre 1 dit quoi? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Tu as vu, non? On n'a pas dit heureux ceux qui comprennent. D'abord, il faut d'abord comprendre ça dès le moment qu'on a. Parce que ce n'est pas destiné que tout le monde comprenne. Tu lis, tu entends, tu gardes. N'est-ce pas, frère? Tu es déjà heureux. Donc, ne sois pas malheureux de faire que tu as lu, tu n'as pas compris. Il me pose la question, qu'est-ce que tu comprends au chapitre 3? Puisque la recommandation est, on écrit ici à l'ange, oui. L'ange de l'Église. Oui. Ce que moi, j'entends ici, c'est que un ange, c'est celui-là qui doit faire exactement ce que Dieu demande. Oui. Plus en bas là, c'est comme s'il y a des choses que lui a fait. Qui a fait? Un ange. Oui. Qui ne glorifie pas Dieu. Ça te pose problème. Oui. Appelez-le pour le frère. Voilà. Lorsque vous lisez la Bible de la bonne manière, vous allez arriver à ces choses-ci. Parce que normalement, c'est qu'on a énoncé dans les sept églises-là sont des problèmes. D'accord? Maintenant, rentrons au chapitre 1. Lisons cela. Je vais rapidement. Nous sommes là, il est là plus de 10 heures, presque 10 heures la nuit là. Lisons rapidement là. Je vais dire à l'introduction, on va voir quelque chose. Et puis je vais répondre là. Vous y êtes? Verset 10 du chapitre 1. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, c'est ça? Et au milieu de cette chandelle d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture, on a parlé de ses susceptibles gloires là-bas. Maintenant, regardons très bien au verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc, c'est ce que la Bible se contient. La Bible se contient celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. La Bible contient ce qu'il a vu, ce qui sont et ce qui doivent arriver. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Écoutez très attentivement. Regardez ici. Vous êtes prêts? Les sept étoiles sont et les sept chandeliers. C'est là que je voulais d'abord m'arrêter ici. Puis on va commencer au verset 1, chapitre 2, verset 1 maintenant, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous y êtes? On y va doucement. Les chandeliers sont quoi? Non. Il n'y a pas de les sept chandeliers. Il dit les chandeliers sont quoi? Les étoiles sont quoi? Ils sont au nombre de combien? Daniel chapitre 12. Je ne vais pas m'étaler sur ça pour longtemps. Ils m'ont dit quelque chose et puis sorti là-dessus. Daniel, après Ézéchiel là. On avance, frère. Verset 1 et suivant, regardez. En tout temps-là, s'élèvera Michael, le chef, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En tout temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Un frère à moi. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme l'air. À toujours et à... Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Regardez tout attentivement. Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 19 et suivant, en donnant l'explication lui-même des étoiles. N'est-ce pas? Les sept étoiles, le mystère des sept étoiles, ce sont les sept anges de l'Église. Maintenant, le problème, c'est que quand vous lisez, vous pensez que c'est l'ange au sein de Michael, des autres. Ce n'est pas ça. Ça devait régler le problème là maintenant. D'accord, frère. Amen. Hébreux chapitre 1. Rapidement. Qui peut lire à haute voix, non? Le verset qu'il veut donner. Tu vas pouvoir lire à haute voix. Hébreux chapitre 1. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Quand on s'assoit là, vous ne voyez pas le temps passer, n'est-ce pas? Non. Hébreux chapitre 1. Mais si il dit maintenant qu'on prêche jusqu'au matin, vous allez dire que j'exagère. Pourtant, on peut prendre un tel sujet là, on développe dans la Bible, vous voyez ces choses-ci. Si vous pouvez penser, un jour vous passez du temps, comme vous avez le temps plutôt dans la nuit. Mais souvent aussi, il prêche, personne ne doit dormir. On prend une nuit, on parle jusqu'au matin. Vous avez souvent dans vos dénominations les nuits que vous allez bavarder fort, vous crier pour avoir les mots de terre le matin. On s'assoit, on étudie la parole. On fait que la parole entre dans notre âme. Hébreux chapitre 1, lisons le verset 13, puis 14. Lis, à haute voix. Et auquel des anges, oui, as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Donc les anges sont au service de Dieu, envoyé auprès pour travailler en collaboration avec ceux qui doivent hériter Dieu du salut. Donc l'Église, c'est la branche armée visible de du Seigneur. L'Église, les anges sont l'armée spirituelle invisible de Dieu. Vous y êtes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, par exemple, nous voyons un ange envoyé chez Corneille. Il connaît. Envoie à Joppé. Écoutez très attentivement. Envoie à Joppé chez un nommé Simon le corroyeur. Il est sa maison est à côté de la mer. Il y a un Simon Pierre qui se loge là-bas. Il ne sait pas quoi qu'il est caché. Alors il dit qu'il vient que le ministère l'attend et il dit comme ça, il rentre au feu. Il dit l'ange finit son ministère de parler. Il part où? Il rentre au ciel. Il pose la question. Il ne connaît pas la Bible. L'ange là qui a transmis le message à Corneille là. Ne connaît-il pas la Bible? La question c'est pourquoi il ne dit pas à Corneille que Corneille. Tout ce que tu fais là, tu dois croire au Seigneur Jésus. Il est mort et ressuscité pour toi. Crois, tu es sauvé. S'il dit ça, connaît pas, va croire automatiquement, pas vrai. Pourquoi fallait-il que ce soit l'apôtre Pierre qui vient annoncer cela? Juste parce que Dieu délègue un ange dans les cieux, descend sur la tête, dit à cet homme-ci. Il descend, il dit, il rentre aussi, voilà la mission qu'il a reçue. Ça lui coûte quoi de dire comment il faut faire pour te sauver? Dis quoi? Je parle à haute voix, frère. Quand je parle aux entendez, vous m'entendez bien. que Dieu était en tout réconciliant le monde avec lui-même. Oui. Et par la suite, il dit qu'il a fait de nous. Non, il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Comme si Dieu exhortait les hommes par nous, soyez réconciliants. Donc, il n'a pas mis ça dans les sages. Applaudissez pour nos frères ici aussi. Vous voyez cela? Donc, la parole de la réconciliation n'a pas été donnée aux anges. Nous sommes au chapitre 1 de Hébreux, là, n'est-ce pas? Maintenant, regardons. Disons, les versets suivants, ça fait un là. Hébreux, chapitre 1, toujours, regardez. Vous allez voir de quoi il est question là-dedans. Dieu travaille avec vous quand vous êtes comme ça, là. Regardez, verset 5, qu'est-ce que ça dit du chapitre 2? En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Vous avez entendu ça, hein? Dieu, le monde à venir, ce n'est pas pour les anges. Les anges ne seront pas loin, nulle part. Ils sont au service. Vous avez vu ça, frère? Donc, les anges sont en mission en faveur des saints qui sont sur la terre pour les secourir, pour les transmettre les nouvelles, pour les protéger. Comme dans le livre de Daniel, nous voyons effectivement comment ils sont là, ils secourent. Et dans ce livre de Daniel que nous venons de lire là, l'ange en effet comprend à Daniel qu'il y a une époque qui allait venir sur la terre, sur son peuple, que ce sera terrible pour les nations. C'est une époque terrible. Il dit en fait, là, c'est le vrai Michael, le grand chef, le défenseur de ton peuple. Ce sera des époques terribles qu'il n'en a jamais eu sur la terre. Donc, Michael est là pour protéger Israël. Vous voyez l'espoir? Voilà leur mission. Quant à ce qui est du salut, le salut passe par les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Deux pierres. Deux pierres. Chapitre 3. On y va. Voici déjà, bien-aimés, verset 1, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Un Pierre. Chapitre 1. Vous y êtes. Il va lire verset 10 à 12. Il va dire, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc les anges constatent, ils disent, Wanda. Dans l'Épître d'Éphésiens chapitre 3, la Bible déclare que afin que les dominations dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc quand nous prêchons, c'est que les anges disent que wonderful, wonderful, c'est fort. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, donc, il n'est pas question des anges aux anges angéliques qui sont dans les cieux. Ce sont des hommes appelés les prophètes messagers que Dieu a désigné que c'est toi qui portes telle époque. D'accord, frère? C'est lui qu'on appelle ange. On parle des messagers. Donc, le vrai problème, c'est que le mot grec qu'on traduit pour messager, c'est le même mot grec qu'on traduit pour ange. Donc, je crois que ce qui est ange, prends ici le livre que tu as, prends la Bible qu'elle a laissée en haut là. Non, la Bible qu'elle a laissée au-dessus, là où il y avait le blanc là, il y a un livre marron là. C'est quand même qui dit ça. Oui. Prends le chapitre 3, verset 1. Comme il a dit tout à l'heure. Chapitre 3, verset 1. Apocalypse Tu ne connais pas votre frère? Tu veux plus lire? Et à l'ange de l'assemblée qui et à l'ange de l'assemblée qui est à toi, écrit. Voici ce que dit celui qui a le sept esprits de Dieu et le sept de toi. Oui. Lis chapitre 1, verset 19. Chapitre 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver. Oui. Après celle-ci, et les choses qui doivent arriver après celle-ci, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite, oui. Et les sept lampes d'or. Oui. Les sept étoiles sont les anges des sept assemblées. Oui, là-bas, on ne traduit même pas par église, on dit assemblée. Là-bas, ici, ange, angelos, messager, envoyé, un envoyé, un messager de Dieu, quelqu'un qui est envoyé. C'est bon. Donc, en fait, le terme pour messager, c'est le même terme pour ange. Donc, le problème, c'est quand vous lisez maintenant en français ange, vous avez compris, parce qu'on sait que les anges ont les ailes. Donc, ce ne sont pas les anges qui ont les ailes là. Ici, il ne s'agit pas d'eux. D'accord. Maintenant, dans le dernier qu'on a lu aujourd'hui, il a dit, ceux qui enseigneront la justice au peuple brilleront comme les étoiles. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et ici, on dit que les étoiles, ce que tu as vu là, comme c'était sept là, il y a sept principales personnes, sont les gens porteurs qui sont censés enseigner. Vous prenez le dernier chapitre 13, 12. C'est pour ça qu'on l'a présenté sous forme d'étoiles. Ils brillent. Sept étoiles qui brillent, donc qui portent la splendeur. La révélation divine et qu'il faut dispenser à leur époque. Donc, l'Apocalypse montre là qu'il y a sept dispensations. Éphèse, dispensation des Smyrne, des Pergames, des Philadelphies, des Thyatires, des Laodicées. Donc, il y a des hommes qui sont censés porter, là, ils doivent être sept. Ils sont censés porter cette révélation-là pour chaque époque pour éclairer. Ceux qui enseignent la multitude, la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles du ciel. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'ils sont plus effectivement comme les anges au point où on le tape des anges. Parce que la Bible montre effectivement que la technologie, les anges, les étoiles, sont les symboles aussi des anges. N'est-ce pas? Au chapitre 12 Apocalypse, on dit qu'il y a le tiers des étoiles du ciel que Satan n'entrait pas sa queue. C'est bon, n'est-ce pas, frère? Donc, n'aie plus peur. D'abord, il ne s'agit pas des anges parce que les anges n'ont rien à voir avec le problème de salut. Donc, en finissant, les derniers n'ont pas quoi que ce soit les anges. Sauf. Les missions que Dieu les envoie pour en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. D'accord? Parce que là-bas, quand tu vas voir, il va faire des reproches à ces anges-là. Parce que c'est bien contre toi, parce que tu as oublié ton premier amour. Un ange oublie son premier amour, ton beau frère. Et il va se créer contre toi, parce que tu laisses la femme, je t'avais péché. Les anges font cela, et ils te chicotent comme ça, tu comprends. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel, c'est l'épée au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption. C'est une direction.